Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 59e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et autour d'un VR, vous le savez, c'est le podcast indépendant fait pour des passionnés, par des passionnés. Et j'accueille avec grand plaisir Laurent. Salut Lolo. Hello Sei, hello tout le monde. Comment vas-tu ce soir? Oh, ça va, c'est assez calme en ce moment. Ça va. Mais, ouais. Niveau news, bon, ouais. Ouais. Au niveau de VR, là, en ce moment, alors je sais pas si c'est le Covid qui... qu'il y a tout le monde qui recule tout leur jeu, qui retarde tout, et que du coup, il n'y a plus personne qui parle. Alors, en même temps, ça, si on se rappelle un petit peu tous les ans comment ça se passe, bien souvent, quand on approche le mois de juin, c'est le désert total. C'est un et peu après, le ventre mou. Ouais. Voilà, et dès qu'arrive le 3, c'est là où ça part. Donc, c'est ce que je me dis. Bon, on va se dire ça, hein, on va rester de toute façon optimiste. Et puis, de toute façon, il y a toujours des trucs qui sortent. Hein, donc, oui, à chaque fois, même, quand, même nous, on a un petit coup de mou, on se dit eh, franchement, c'est un peu mort en ce moment. Ben, on se rend compte que finalement, il y a des trucs qui n'ont pas été annoncés qui sortent et boum, ça tue. Donc voilà, il faut quand même rester positif. Bah, ce soir, on est un petit peu. On est carrément tous les deux, en fait, uniquement ouais. Sur l'émission. Mais ça va pas nous empêcher justement de vous parler des tests, derniers tests qu'on a fait sur un jeu Quest Oculus et un autre jeu qui est sorti un peu étrange sur PSVR. Et puis avant ça, on va commencer par les news, si tu veux bien, pour changer. Oh bah, y a quelques petites news, pas de soucis, ça va aller vite. Hein. Donc on va commencer juste par l'annonce la semaine dernière de Vader Immortal sur, en boîte. Donc ça c'est pour tous les fans de version physique qui soit sont collectionneurs, soit n'aiment pas forcément le tout des maths. Bah, il va sortir en boîte, donc dans une édition spéciale qui comprendra le disque du jeu avec les 3 épisodes de Vader Immortal. Il y aura aussi également un artbook, alors c'est ça qui m'a fait rire, un artbook numérique exclusif qui sera dedans. C'est bien. Voilà, c'est une édition physique, mais il y aura certainement un code pour télécharger l'artbook numérique. Ouais, et des cartes postales qui, elles, seront apparemment bien réelles dans la boîte. T'es sûr que c'est pas du démat, genre pour envoyer des mails avec un fond d'écran Dark Vador? Je sais pas. Alors, c'est bien une version physique, mais c'est une version physique avec des QR codes numériques dedans. Mais bon, voilà, c'est les nouvelles versions physiques. Ouais, super. Bon, c'est pas non plus une collector, donc on peut pardonner quand même. C'est quand même bien d'avoir un petit truc, un petit PDF supplémentaire, quoi, on va dire. Bon, n'empêche qu'on aura les CD, avec les 3 Vader Immortal sur CD. Quoi. Donc c'est toujours une bonne petite news. Pour la collecte, c'est bien. Pour la collecte, comme ça, tu peux les mettre à côté de ta triple trilogie. Mais non, il y a que 2 trilogies dans Star Wars. Et donc ça sort le 25 juin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 3 trilogies. N'existe pas. Ça va jusqu'au 6, du 1 au 6, et puis voilà. Voilà. Non, je veux pas qu'on s'engueule ce soir, Laurent, donc voilà, on va en rester là. Donc ouais, ça sort le 25 juin. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je sais, mais moi je le suis pas forcément. Alors, ça sort le 25 juin, et ça coûte 30€ du coup, a priori. Voilà. Et voilà. Donc faites-vous plaisir. Oui, bah, il est bien en plus, l'expérience est sympa. C'est dommage que ce soit un peu court, mais vu qu'il y a 3 épisodes, au final les 3 réunis, ça va, ça passe. Je crois que c'est le deuxième épisode qui est un peu plus court que les autres, mais de toute façon t'as toujours des beaux moments de bravoure dedans qui sont vraiment impressionnants, même pour les routards de la VR, si t'es fan de la licence. Et en plus t'apprends des choses sur Dark Vador, et c'est vrai qu'il y a un petit côté lore. Enfin voilà, il est canon de toute façon dans Star Wars, et t'apprends des choses sur Dark Vador, tu vois une autre facette de lui en fait. Et donc ça peut être intéressant. Une bonne petite expérience pour ceux qui ne l'ont pas fait, à faire. C'est un truc c'est sympa. Autre chose, on a l'annonce Pistol Whip qui a teasé la semaine dernière lors de l'Oculus Game Show, le showcase. Donc il a teasé une nouvelle mise à jour de Pistol Whip, son jeu. Donc c'est le jeu qui a le look de Super Hot, mais qui est sur rail, et il faut tirer un petit peu sur tout ce qui bouge. Mais un jeu très sympa. Ça a été bref, hein, parce que je crois que la bande-annonce doit durer à peu près 20 secondes, donc dans laquelle on ne voit juste que le logo Smoke and Thunder. Donc en fait, on a appris vite fait, ils en ont parlé lors de l'Oculus Game Show, que ça parlerait, en fait, ça serait une histoire scénarisée. Ça parlerait de deux sœurs apparemment au Far West, et donc ça va se passer au Far West. Ils ont teasé qu'il y allait avoir des trains, donc attaque de diligence, de trains, de machin dans ce genre, mais on n'en sait pas mieux pour l'instant. Ce qu'on sait par contre, c'est que ça change vraiment de look graphique. C'est-à-dire que Pistol Whip, c'est très voilà, comme tu disais, ça fait vraiment penser à Super Hot. Là, ça fait vraiment ambiance Far West avec les couleurs qui changent complètement. T'as des personnages qui ont l'air quand même beaucoup plus mieux modélisés, en tout cas plus complexes. Et justement avec une mise en scène qui a l'air quand même un peu plus fouillée que Pistol Whip. Même 2089, hein, ils avaient essayé de rajouter des petites choses. Mais c'est vrai que globalement, on restait un petit peu quand même dans le même style que Pistol Whip original. Hein. Là, ça a l'air quand même un peu plus un DLC un peu plus quoi. Oui, voilà. C'est 5 niveaux supplémentaires qui vont être ajoutés quand même avec cette campagne scénarisée. Et donc, elle sera axée sur la narration. Et ben, moi, je demande à voir. Comme 2089, et ça va être du tout bon. Voilà. Donc, c'est sympa. Bah, le jeu est sympa déjà, donc je suis pas inquiet. Ah oui, je rappelle juste que voilà, Pistol Whip, si vous aimez les jeux de rythme et de tir, faut foncer sur ce jeu-là. Vraiment. Donc, à suivre, mais une bonne chose. Alors, par contre, parlant de mise à jour, il y en a une qui arrive et qui, elle, va être, par contre, assez monstrueuse. C'est Aftershocks de The Walking Dead Saints and Sinners. On voit arriver une mise à jour. On dit, ouais, bon, bah, une mise à jour. Et puis après, on regarde un petit peu de plus près. Et en fait, elle va juste ajouter 20 heures de jeu supplémentaires au jeu. Une petite mise à jour. Voilà. 5 gigas, quoi. C'est un truc. Donc, elle arrive le 20 mai prochain. Donc ça, c'est pour dans pas longtemps. C'est pareil, ça a été teasé, ils n'ont pas dit des tonnes de choses à son sujet. Donc apparemment, des nouvelles armes, des nouveaux niveaux, mais ça reste encore très, très flou. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle arrive. Ouais. Gratuit. Hein. Ouais, gratuit, et puis un contenu de malade, quoi. C'est quand même un truc de barjo, parce que le jeu, déjà, il a une durée de vie assez conséquente. Il est assez vaste. C'est même plus qu'une mise à jour là. C'est un DLC gratos en fait. Hein. Ah bah oui, c'est qui ça. Qui porte pas ce nom-là. C'est quand même suffisamment rare pour le souligner, parce que les jeux, on va dire, même en règle générale, mais aussi plats, qui proposent du contenu comme ça supplémentaire. 20 heures de jeu supplémentaire. 20 heures de plus. Ouais. 20 heures plus. Nouvelles missions, des objets à collecter, des nouveaux outils de survie à utiliser. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment, mais impatient, quoi, parce que le jeu est terrible. Donc si vous l'avez pas sur n'importe quelle plateforme, il faut l'avoir. Et puis bon, et c'est généreux, quoi, parce que tu payes pas. C'est super généreux, ouais. Et puis t'as 20 heures plus. Surtout qu'on sait que voilà, la VR, ça reste quand même un marché de niche. Ils vendent pas autant de brouettes de jeux que sur des licences plates. Je suis toujours un petit peu étonné justement par la générosité des studios comme ça quand ils proposent des DLC gratos. Tu vois, on a parlé de Pistol Whip, c'est le cas, il y en a déjà deux. Là pour Saints and Sinners, il y en a un. C'est quand même, je trouve couillu, hein, que les développeurs et les éditeurs en fait puissent proposer du contenu gratuitement alors qu'ils ont peut-être pas vendu des milliers et des cents de ce jeu-là, quoi. C'est vrai. Peut-être pour remercier les joueurs, ou alors ceux qui hésitaient un petit peu au départ d'acheter le jeu, ben allez-y, parce que là au niveau du contenu, ça va être gargantuesque. Et donc c'est bien. Moi, je l'ai déjà désinstallé le jeu. Je l'ai réinstallé parce qu'il y avait une mise à jour avant. Je l'ai redésinstallé et je vais devoir le réinstaller une troisième fois. Il va falloir en fait le réinstaller. Ouais. Ouais, c'est ça. Je l'ai laissé en place celui-là. Non, mais je vais le laisser, je crois, parce que ça sert plus à rien, quoi. Ah, donc c'est très très bien. C'est super. Bonne nouvelle. Alors ensuite, on a les nouvelles péripéties concernant Resident Evil 8 Village. Alors VR, pas VR, on ne sait plus. Eh ben, les deux en fait. Alors il y a beaucoup de gens sur. J'ai lu des commentaires sur Facebook qui disaient, alors un article il est VR, un autre article il est pas VR, mais en fait les deux news sont complémentaires. parce qu'elles veulent dire à peu près la même chose. La première chose, c'est que Capcom avait été piraté il y a quelques temps de ça, au mois de novembre 2020. Il y a eu un gros leak. Et il y a eu un téra de données qui a été volé de chez Capcom. Et de là, ils ont commencé à balancer sur différents sites, au compte-gouttes, les documents volés. Et donc, dans un de ces documents volés, on avait appris que... on avait appris qu'il allait avoir Resident Evil 4 qui allait sortir sur Quest. Donc, nous, on en avait fait un article, mais on s'en était pas plus occupé parce qu'au final... c'était pas sûr et certain. Et puis bon, on a fait un article dernièrement pour le redire. Et puis si, la semaine dernière, ça a été bien annoncé. Donc, c'était pas des conneries. Mais ça aurait très bien pu l'être. Hein. Donc, c'est jamais évident à... Toujours être méfiant, quoi. Voilà, il faut toujours être méfiant. Donc, par contre, maintenant, ça donne pas mal de crédit à toutes ces fuites qu'il y a en ce moment sur Capcom. Parce que puis là, maintenant, c'est carrément les documents, des documents internes de Capcom qui sont publiés, dont un contrat. Le contrat est signé par le directeur, par le boss de Capcom. Il est pas si vieux, il est daté de décembre 2020, si je me trompe pas. Et donc, dans ce dossier, alors c'est un contrat, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, il n'y a pas de polémique à faire, c'est un contrat classique entre Sony et Capcom qui désigne un contrat d'exclusivité pour une durée de 1 an sur la licence Resident Evil 8 Village. Donc jusque-là, rien d'anormal. Donc bien sûr, qui dit exclusivité dit interdiction de faire paraître sur le Game Pass, sur Nintendo Switch, sur des téléphones iOS. Mais c'est dégueulasse. Quoi, c'est des bad buzz. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des anti-Game Pass. Oh là là, les salauds. Bande d'enfoirés. Sony, salaud. Bethesda, par contre, ça sera bientôt des anti-PlayStation Now, mais bon. Ouais. Bref. L'histoire pour rien, quoi. Donc, le contrat, par contre, est bien réel. Hein. Il fait 11 pages, donc je l'ai mis en ligne sur le site. Il y a un lien, il faut cliquer dessus, et puis vous avez le contrat en PDF. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce contrat, il est mentionné justement une ligne dans un contrat de signé entre Sony et Capcom, précisant que la version VR de Resident Evil 8, si elle devait exister, c'est encore Sony qui aurait l'exclusivité, en fait. Donc comme en fait, le 7, quoi. Voilà, ils auront une exclusivité de je sais plus combien de temps de 9 mois je crois pour donner leur avis. Donc c'est limité. S'ils prennent ou pas. Mais dans tous les cas, Capcom en signant ce contrat en fait n'a pas le droit de proposer la version VR chez Oculus. Il sera obligé de demander d'abord à Sony. Et Sony bien sûr va dire oui, c'est obligé. Donc voilà, c'est la première. Alors ce qui est super intéressant, c'est que sans être officiel, vu que c'est une fuite de documents qui ont été volés, c'est la première fois en fait que l'on voit écrit mot pour mot dans un contrat signé entre Sony et Capcom qu'il peut y avoir éventuellement une suite à Resident Evil 7 en VR. C'est la première fois où Resident Evil 8 VR, Village est cité dans une version VR sur un document. C'est bien. C'est encourageant. C'est encourageant. En même temps, ils ont dû verrouiller tout. Moi, je ne le conçois pas que Resident Evil 8 Village n'ait pas de version VR. Je le comprendrais pas d'ailleurs. Je suis à 99% sûr qu'il arrivera sur PS5 et PSVR 2. Mais en tout cas, je ne conçois pas qu'il tourne sur une de mes consoles en plat. Ça, c'est sûr et certain, déjà. Ça, je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Hein. C'est ça. Je ne suis vraiment pas le seul dans ce cas-là. Hein. Oui, et puis alors, c'est marrant parce que on a fait 2-3 articles sur Resident Evil 8 Village ces derniers temps. Et sur les différents réseaux sociaux, même des étrangers, hein, sur Twitter, par exemple, on a eu des réponses. Plein de personnes qui disaient, mais de toute façon, s'il n'est pas VR, je n'achète pas. Ah bah oui, oui. Ouais. Et moi, ce sera mon cas aussi. Hein. De toute façon, s'il n'est pas VR, même pas, je vais le regarder. Bah, donc, Déjà, rien que les... Je crois que c'est 11 ou 12%. J'ai pas regardé sur RNet quel pourcentage de joueurs étaient là. Mais en tout cas, ça n'arrête pas d'augmenter. Déjà, tous les joueurs qui font partie de ce pourcentage-là... Alors, il y a deux ans, c'était 17% des joueurs. Tant que ça? Ouais, c'était énorme. Il y a deux ans de ça, c'était 17. Là, maintenant, c'est vrai que ça a un peu baissé. Il y a eu plus de ventes sur PC et sur, sur Xbox. Mais se dire que 11 à 12% de l'ensemble des joueurs soient VR, c'est un vrai succès. Puis c'est vendu quand même à 5 ou 6 millions d'exemplaires. Hein. Donc, c'est un vrai succès, ce Resident Evil 7. Là, en plus, Resident Evil 8, c'est la suite directe. Comme la plupart des joueurs VR, bah, ils l'attendent, quoi. Bah oui, ils l'attendent. Et puis, c'est pas, tu peux pas faire le 8 si tu as déjà fait le 7 en VR, retourner sur du plat, c'est pas possible. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a un autre truc aussi intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est une exclusivité de la part de Sony temporaire. C'est-à-dire que là, on n'est pas à l'abri non plus. Mais alors là, vraiment, on rêve peut-être, hein, mais qu'il soit disponible aussi à terme en VR sur PC. Alors, oui et non, parce que si on regarde ce petit contrat, alors en fait ce contrat il a fait beaucoup de buzz la semaine dernière à cause de décérébrés de la Voie lactée qui ont inventé des trucs pour faire le buzz là où il n'y en avait pas besoin d'en faire. Par contre, si on prend le temps de lire ces 11 pages, le truc intéressant c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de ça, il y avait déjà eu une première fuite qui mentionnait un contrat de 5 millions de dollars entre Capcom et Sony pour l'exclusivité de Resident Evil 7. Donc c'était apparemment le contrat qu'ils avaient signé il y a quelques années, en 2016-2017. Mmh. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau contrat qui a fuité, il y a aussi 5 millions de dollars. Donc quand on sait ce qui s'est passé avec Resident Evil 7, c'est-à-dire que on l'attend encore en VR sur PC, si c'est le même type de contrat qui est exactement à la même somme que pour le 7, disons qu'à partir du moment où ce contrat est signé, quoi qu'il arrive, en fait, Capcom sont maintenant obligés pour Resident Evil 8 de demander la permission à Sony. Oui, donc ça risque de bloquer, quoi. Voilà. Si Sony ne donne pas de réponse dans un délai indiqué dans le contrat, dans ce cas-là, Capcom pourront revendre leur jeu sur PC. Si par contre, ils ne peuvent pas lancer un truc comme ça, même si Oculus arrive derrière avec 10 millions de dollars, le contrat étant signé, Oui, bien sûr, mais après, bon, rien n'empêche Sony après d'accepter, parce qu'on en a discuté avec Zazel, c'est vrai que c'est quand même assez frustrant qu'un jeu qui fonctionne bien sur PC aussi, Resident 7 a quand même pas mal marché sur PC. Le nombre de voix de PCistes justement qui hurlent pour avoir la version VR est probablement et qu'ils l'auront jamais, et c'est vraiment dommage. Et ça serait quand même débile que Sony n'accepte pas que ça soit porté pour le 8 sur PC, quoi. Je parle pas forcément d'Anculus, hein. Je parle aussi de Steam ou. Bien sûr. En tant que joueur, c'est sûr que de toute façon, c'est toujours un peu frustrant de voir un truc qui arrive sur une autre plateforme et de pas pouvoir y jouer. Ça, dans tous les cas, c'est. En tant que Sony, c'est vrai que si Resident Evil 8 est au lancement du PSVR 2, moi je serais eux, je le lâcherais pas comme ça. Oui, temporairement. Ouais. Voilà. Ouais, commercialement, 3 ans. Oui, 3 ans. À 3 ans, non, c'est chaud quand même, n'abuse pas. Ah ben, avec un Resident Evil 8, tu lances ton casque. Ah oui, mais pas 3 ans. Enfin, c'est un an, de toute façon, en général, un an et demi, et puis voilà. Mais en plus, je le verrais beaucoup plus sur Steam que sur Oculus, parce que Oculus, ça reste quand même exclusivement de la VR, alors que Steam, tu peux, comme sur PS4, pour le 7, acheter ta version plate et y jouer en VR, tu vois, en option. Et donc, je verrais ça beaucoup plus logiquement comme ça, plutôt que sur Oculus, quoi. Enfin, perso, je préférerais, Moi, perso, je le vois parti comme Resident Evil 7, celui-là, mais je peux me tromper, hein, on verra bien. Mais en tout cas, au niveau du contrat, ça se ressemble vraiment. Pour moi, ce truc-là, il sera au lancement du PSVR 2 et ce sera justement l'un des gros titres de lancement pour lancer le nouveau matériel, quoi. C'est vrai que déjà le 7 a eu un énorme, a apporté un gros regain d'attention au PSVR premier du nom quand il est sorti, quoi. Justement que tout le monde commençait à se dire ouais, il y a plus rien qui sort sur PSVR. Justement, on tombait à nouveau dans cette période de creux. Ouais. Il y a Resident 7 qui a donné un gros coup de fouet. Il a tout éclaté, hein. Au niveau des tous les tests, tous les même la presse non spécialisée qui parlait de Resident Evil 7 en disant que c'était une tuerie. Il porte bien son nom d'ailleurs, c'est une tuerie. Puis même aujourd'hui, hein, de toute façon, c'est un truc. Un truc qui. Alors je te dis qu'on pas. Peut faire avec plaisir. Ouais, voilà, voilà. Et puis après, il y a autre chose aussi, c'est que c'est toute la petite histoire qu'il y a eu entre Capcom et Sony aussi, qui est assez drôle. Je parle de Sony qui avait annoncé Resident Evil 8 sur PS5, Capcom qui avait confirmé un jeu exclusif à la PS5. Et puis il y a eu le retournement de veste que tout le monde a fait, hein, parce que c'est Microsoft qui ont lancé la danse en disant qu'il n'y aurait pas de grosses exclus avant 2 ans. Derrière Sony, Jim Ryan avait d'abord dit qu'il y aurait des exclus PS5 sur PS5. Et puis après, il a changé. Et à cette période-là, il y a eu un showcase de Capcom où justement les développeurs étaient en train de dire que non, ils savaient pas trop s'il allait sortir sur PS4 parce que justement le jeu avait été pensé avec le SSD et avec tout ça de la PS5. Et que le moteur était tellement gourmand qu'il savait pas si ça allait être possible de le porter sur PS4. On voit que c'est quand même un jeu qui est poussé. On voit dans le code source du jeu PS4, déjà le PSVR n'est pas compatible. Ouais, c'est alors normal ça. Ça veut tout dire et rien dire, parce qu'une mise à jour, c'est un soft, donc ça peut être mise à jour. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit no en face de PSVR qu'il sortira pas. J'y crois moyen quand même. Mais par contre, ils ont plutôt intérêt à le verrouiller tant que le PSVR 2 n'est pas sorti. Alors ce qui est inquiétant, c'est que le jeu arrive le 7 mai, je crois. 7 mai, c'est ça. Le 11 mai. Donc à partir du 11 mai, il y a le compte à rebours des 1 an qui démarre pour l'exclusivité PlayStation. Donc ça veut dire que s'il doit y avoir une version VR, c'est que le PSVR 2 ne devrait plus tarder. Parce qu'à partir de là, s'ils veulent conserver la licence, il faut que ça se fasse dans les 1 an, quoi. Dans les 1 an, ça sera pas moins d'un an, je pense, parce que justement, comme tu disais, Resident Evil, c'est une pure saga, quoi, que tout le monde aime et que tout le monde attend. Il y en a beaucoup aussi qui attendent la version VR de Resident Evil 8. Je pense qu'ils peuvent vraiment s'appuyer sur les ventes des joueurs plats pour Resident Evil bien un an, quoi. Et justement, à mon avis, ça veut pas dire que le casque va être annoncé ou sorti cette année, forcément. Non. Disons qu'en fait, au bout de 11 mois et 30 jours, si Sony dit « Ah, la version VR, on la veut », donc à un jour ça veut dire que la version plate pourra partir parce que ce sera la fin de contrat, mais à partir de là, ils ont renégocié un nouveau contrat pour la version VR, qui relancera pour une nouvelle année. Du coup ça va tout décaler pour les éventuels portages VR sur d'autres plateformes, quoi. C'est de la spéculation, hein. On est bien d'accord, hein. La spéculation avec un dossier signé par Jim Ryan et par le PDG de Capcom quand même. Voilà, disons qu'on a beaucoup d'indices. Mais voilà, on verra vraiment ce qui va se passer pour ça. De toute façon, je préfère le dire parce qu'après on va nous dire que il y en a beaucoup qui pensent ils pensent avoir raison, ils se plantent. Donc voilà. Disons qu'on peut se planter, mais après ce qu'il y a eu, disons qu'on n'avait pas trop traité cette fuite parce qu'il y avait tellement de documents et tellement de choses qu'on se disait il y avait des trucs qui étaient un peu fous et finalement qui se révèlent vrais aujourd'hui. Maintenant, sur l'ensemble de ces fuites, on voit que ça a bien. En plus, ça a été officiel, hein, parce que Capcom a quand même publié un article, je crois que c'était le 2 novembre. Disant qu'ils avaient effectivement été piratés et qu'ils avaient repéré un intrus sur leur serveur qui avait effectivement volé des données. Donc officiellement, Capcom avait bien communiqué pour dire que c'était vrai. Ils s'excusent d'ailleurs, Capcom, pour tous les partenaires qui vont être impliqués dans ce problème, maintenant avec Resident Evil 4 qui est annoncé sur Quest 2, alors qu'il y a 3 semaines de ça, quand on en parlait, les mecs ils disaient n'importe quoi, Resident Evil 4 sortira jamais sur Quest 2. Moi je le disais, hein. je vais pas être coupable, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai dit en plein podcast que j'y croyais pas. Il y en a plein. Donc là, c'est plutôt solide, on va dire. Et puis là, on voit ces documents d'un autre œil, parce qu'ils annoncent des chiffres, ils annoncent les 5 millions de dollars du contrat. C'était exactement le même contrat que Resident Evil 7. Ils annonçaient même des dates, hein, parce que ce qui était fou, c'est qu'ils annonçaient quand même Resident Evil 4 sur Quest 2 en avril. et paf, c'est tombé quoi. Donc c'est, et puis là quand on voit, quand on voit qu'on a le contrat sous les yeux, on voit que c'est signé, que c'est daté, que c'est un vrai contrat d'exclusivité. Donc moi pour moi ils vont commencer à balancer un petit peu de mou au mois de juin. D'accord. Ouais, ouais, au moins un visuel quoi. Ben, on a déjà vu les contrôleurs PS5 VR. Là, ils vont nous lancer le design du PSVR 2, enfin, qui ne s'appellera pas PSVR 2, mais enfin, ils vont commencer à nous montrer la tronche du truc. Et, puis pour l'E3, donc la période de l'E3, c'est là quand ils auront montré le casque, ils vont commencer à parler un peu des jeux. Surtout que les dev kits sont déjà bien partis chez tous les développeurs, donc il risque d'y avoir des fuites côté développeurs. Donc pour éviter tout ça, c'est à ce moment-là qu'ils vont lâcher du lest. Faut y aller. Ouais, faut y aller avant justement de se faire fuiter et casser l'annonce quoi. Voilà. Donc présentation en juin. Après, ils vont continuer à toute la communication pour montrer 2-3 jeux pour une commercialisation au mois de mars 2022 ou dans ces eaux-là quoi, un truc dans ce genre. Parce que on le sait en plus, hein, Sony ont une communication extrêmement verrouillée et extrêmement planifiée en fait, et ils savent déjà ce qu'ils vont faire plusieurs mois à l'avance. Hein. Ah oui. Donc je suis pas trop étonné là-dessus, effectivement. Voilà. Bah je vais juste lancer un petit coup de gueule sur des rédactions francophones ou alors étrangères ou alors anglophones en fait qui plutôt que de lire les documents font juste du copier-coller en fait d'articles à buzz justement et mettent en avant le contrat d'exclusivité on va dire anti-Game Pass hein, parce que c'est comme ça qu'il a été en tout cas présenté beaucoup trop d'articles sans vraiment 90% des articles parlaient de ça sur l'essentiel. Après je veux pas non plus dire que toutes les rédactions sont à chier. C'est comme ça que fonctionne Internet, on le sait très très bien. Faut faire de l'article facile, un truc qui va faire réagir les internautes et les faire cliquer rapidement, tant qu'à faire avec un titre vraiment accrocheur, parce que de toute façon les articles derrière sont pas forcément lus par tout le monde. Donc voilà, mais c'est juste voilà, c'est un système sur Internet que je trouve vraiment usant, qui commence à se généraliser de plus en plus et qui devient une norme en fait. Qui est institutionnalisé, j'ai du mal à le dire, mais voilà, qui devient vraiment une machine, une façon de faire qui est dommage quoi. Faut s'intéresser un petit peu au fond plutôt qu'à la forme, et puis surtout aux internautes de pas se faire avoir quoi et de pas se faire mener par le bout du nez sur ce genre de pratique là. Donc de pas s'arrêter sur les titres surtout, parce que c'est parti d'Alfred Lamèche sur Twitter. Donc, qui est un pro Xbox, hein. Quand on va sur son compte Twitter, c'est évident, il parle que de Xbox. Et quand il parle de Sony, c'est pour dire du mal. Donc là, il a balancé. Il fait ce qu'il veut, le garçon, après. Hein. Bien sûr, c'est son droit. Hein. Par contre, le problème, c'est que c'est lui le départ, c'est lui la source. C'est lui qui a publié le contrat et qui l'a publié tout de suite en titre. Il a tout de suite titré qu'il y a une clause entre le contrat de Sony et de Capcom qui est anti Game Pass. Donc Sony PlayStation associé au mot anti Game Pass, forcément balancerait une allumette c'est de la paille, paille sèche. Dans de la paille sèche, c'est voilà. Exactement ça. Et c'était peut-être ce qu'il voulait, il a peut-être voulu faire le buzz. Ça a été efficace hein, parce que ouais, quoi, PlayStation anti Game Pass, c'est une honte. Alors ça s'est enflammé, mais les mecs ils sont partis à s'engueuler comme des fous sur les réseaux sociaux pour cette histoire là. Après ça brûlait pas encore assez, donc il a dit qu'il y avait une clause de parité qui obligeait Capcom à ne pas produire une version du jeu supérieure sur les autres plateformes que celle de la PS5. Donc là, c'est reparti d'un niveau où les mecs, mais c'est inadmissible. Sony veulent pas admettre que la PS5 est moins puissante que la Series X. Et en maintenant, en plus, ces enculés de chez Sony, ils verrouillent Capcom pour, même si la Series X, elle peut faire mieux, et ben ils les interdisent de le faire. Mais ça, je l'ai lu, hein, c'est clair. Ouais. donc ça part dans des délires, mais ça, tu dis ça, mais tu te marres, en fait. Tu dis, mais, oui, mais, ça, mais, ça va en orbite, putain, hein, mais, ça, c'est sûr. Putain, mais les mecs, mais allez déjà regarder la source. Et puis, alors, je l'ai mis, hein, donc c'est pour ça, sur notre site, sur l'article qui parlait de Resident Evil 8, il y a non seulement le lien vers le contrat total de 11 pages, la source, et il y a aussi le compte Twitter de celui qui a balancé tout ça, Alfred Lamèche, donc vous pouvez aller voir. Il y a tous les éléments pour voir que c'est pas solide. Et puis surtout, bah, concernant cette clause de parité, elle est de partout sur tous les contrats d'exclusivité. Et je vous ai même mis un contrat d'exclusivité Xbox Series X. Donc, y a un lien aussi, alinéa 9.1, et on voit qu'il y a exactement les mêmes clauses dans les contrats Microsoft. Donc, parce que c'est le nerf de la guerre, et c'est comme ça que ça marche, et c'est dans toutes les machines, et toutes les marques font ça, et c'est normal, quoi. Tu vas pas balancer 5 millions de dollars pour que le mec il dise, oh, bah ouais, mais alors, tu me donnes les 5 millions, mais d'accord, je le balance sur le Game Pass, alors, oh, ouais, pas de problème. Oui, voilà. Ouais, mais c'est logique, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Enfin, donc juste voilà, essayez de creuser un petit peu, et puis vous arrêtez pas au titre et vous arrêtez pas juste, bah, même à l'avis d'une seule rédaction. Essayez d'aller voir ce qui dit autour et creusez et lisez et vous comprendrez et voilà. Et vous faites pas avoir par ceux qui ont pas de scrupules. Bah le souci trucs, c'est que il y a tellement de monde en actualité aujourd'hui que c'est le premier qui a l'info qui récupérera le plus de vues, hein, faut pas se mentir. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche, c'est ça. Et que les types ils ont même plus le temps de vérifier quoi que ce soit, donc ils voient un truc, ils sautent dessus et puis ça s'enflamme, parce que plus un mec qui a 300 ou 400 000 abonnés, quand il va balancer un truc comme ça, ben les mecs ils vont partir, mais ils vont être à fond. Les mecs ils ont envie de meurtre. Donc ouais, bon esprit, quoi, tu vois. Voilà, c'est rigolo parce que ces mêmes personnes qui n'aiment pas qu'on dise la guerre des consoles, ou qui n'aiment pas qu'on dise c'est eux-mêmes qui allument le feu, en fait, en relayant des infos qui sont pas vérifiées. Donc, bref. c'était un petit aparté qu'on voulait bah après n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans l'article du podcast. Tiens, il y a un truc, je vais peut-être mettre ça entre la poire et le dessert, et le fromage d'ailleurs, on dit. Ouais. On a mis en place un Discord. Si vous voulez venir justement participer, échanger, donner vos impressions, donner vos avis en direct, notamment sur le podcast, sur le site, sur les news en vrac, qui ont recommencé donc sur YouTube, sur les tests, sur les jeux, sur vos expériences sur certains jeux, qui ont des anglais un petit peu particuliers sur le Discord. Je sais pas, organiser des parties en ligne, etc. Enfin, bref, faire partie de la communauté sur Discord de VR4Player. N'hésitez surtout pas, vous avez le lien dans le site. Première page d'accueil, en haut à droite, il me semble. En haut à droite, ouais. Et en bas aussi. En haut à droite. Et en bas, voilà, partout. En tout cas, si vous cherchez un tout petit peu, vous allez la trouver. Donc voilà, rejoignez-nous. Nous, on est dessus. De toute façon, moi perso, vu que je suis toujours bloqué sur Facebook, je passe mon temps maintenant sur Discord. Et je me rends compte que depuis que je suis plus sur les réseaux sociaux, je lis beaucoup moins de conneries, en fait. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien, justement, au cerveau. Donc voilà. Ça n'empêche pas qu'on dise des petites conneries de temps en temps pour s'amuser sur le Discord. Mais voilà, c'est bon esprit. Venez nous rejoindre et puis voilà, échanger un petit peu avec d'autres joueurs. C'est toujours sympa, ça, d'échanger, plutôt que de rester cloîtré dans ses idées. C'est toujours pas mal. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre news? Eh ben, on va continuer dans les trucs qui ont fait le buzz et qui sont pas forcément... buzz. Disons qu'on se sert d'une info pour faire du buzz, en fait, pour faire du clic. Notre news, c'est tout... Attends, je vais y arriver. Teruyuki Toriyama, donc c'est le producteur de Bloodborne. Alors, on s'était entraîné à le dire juste avant l'émission. J'ai hésité. ça aussi, c'est une news qui était assez drôle parce qu'on a vu, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps, que Sony était en train de dissoudre Japan Studio. Donc on a vu des titres qui citaient carrément Sony ferme Japan Studio, clair et net. En réalité, qu'est-ce qui se passe chez Japan Studio? On en avait déjà parlé, mais c'est plutôt une restructuration, dans la mesure où Japan Studio s'était composé de plusieurs petites teams. Team Asobi, Team Echo, Team Siren. Donc il y avait plusieurs petites teams en fait, très à l'ancienne en fait. Voilà, qui travaillaient sur. C'est un des plus vieux studios de Sony d'ailleurs. C'est le plus vieux. Et donc en fait, la restructuration, ça va être quoi ? Eh ben, ça va être ben, forcément de fonctionner un petit peu comme les autres studios de Sony, c'est-à-dire se concentrer certainement sur des triple A, de fusionner ces équipes entre elles pour qu'elles soient dirigées par Nicolas Doucet et qu'elles soient centralisées autour de Asobi Team. Donc bon bah à première vue ce serait sur du Astrobot ou des choses comme ça, mais ça veut pas dire non plus qu'ils travaillent pas sur autre chose, sur d'autres projets beaucoup plus gros. Et donc cette annonce là a fait qu'il y a eu un bon paquet de personnes chez Sony qui sont parties. Donc on a eu des directeurs créatifs, des producteurs, des designers, des gens plus ou moins connus. Et donc Teruyuki Toriyama est un des producteurs de Japan Studio qui a quitté la maison de Japan Studio, qui était producteur. Et donc on a vu pas mal de titres qui mettaient en première page le producteur de Bloodborne et de Demon's Soul quitte Sony, blabla, c'est un scandale. Scandale, les rats donc, qui tuent la bière. Bloodborne et Demon's Soul, c'est terminé. Donc voilà, c'est encore parti en flèche à cause d'un titre. Donc c'est, faites très attention. Si vous voyez que le titre, allez plus loin et cliquez quand même dessus, parce que des fois c'est plus intéressant. Bien souvent, il y a des titres qui sont bien fouteurs de merde, on va dire, et puis dans l'article, c'est beaucoup mieux expliqué. Mais bon, ça, on est dans une génération où les gens lisent que les titres. Il faut que ça aille vite. Hein. Et donc, ce monsieur qui est parti, donc il est effectivement parti. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, maintenant, il a été embauché chez Thursverse. Donc, c'est le studio de développement qui a développé en partenariat le jeu Frostpoint. On vous en a parlé il y a la dernière émission ou l'émission d'avant. Frostpoint, qui était développé en partenariat avec Inxile Entertainment. Et Thursverse. Et c'est eux aussi qui ont développé Swords of Gargantua sur PlayStation VR. Alors c'est étonnant de voir quelqu'un, un producteur de Bloodborne, dans un studio comme ça, parce que c'est quand même un très petit studio. Alors lui, quand il a été interviewé sur un site japonais, et donc il a dit que en fait ce qu'il cherchait maintenant c'était justement cette liberté de pouvoir faire ce qu'il avait envie. Donc le site c'est wantedly.com, on a mis tous les liens comme d'habitude dans l'article. Alors le monsieur quand même il a été producteur chez Japan Studio, il a travaillé sur Soul Sacrifice et Soul Sacrifice Delta sur PS Vita, sur Bloodborne The Old Hunter sur PS4, sur Astrobot Rescue Mission en production, sur Déraciné et enfin sur Demon's Soul sur PS5. Voilà. Donc c'est déjà quand même quelqu'un qui a... Et après, l'autre chose, c'est qu'il y a un truc que je veux bien souligner, c'est que ce monsieur-là, c'est juste un producteur. C'est ni un créateur de jeu, c'est ni un designer de jeu. Donc en fait, un producteur, c'est quelqu'un qui va gérer le budget en fait, d'un jeu. Donc il aurait très bien pu travailler sur n'importe quoi. C'est juste quelqu'un qui gère le budget. C'est un comptable en fait. Enfin, c'est pas un comptable, mais c'est un gestionnaire de budget. Alors voilà. Ils interviennent pour donner des conseils et tout ça, mais c'est pas non plus les créateurs du jeu. Donc c'est pas la peine de s'emballer en disant oh, putain, ça y est, ils vont lâcher les sols, ils vont lâcher Bloodborne, ils vont lâcher tout ça. C'est pas parce qu'il est parti que ça va être que ces licences vont disparaître sur PlayStation. Et après, l'autre chose, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, il est très très impliqué concernant le Quest 2. Donc, il lui fait. Alors lui, déjà, ce qui est intéressant dans son discours, c'est que là maintenant, en fait, il en a marre du plat et il veut. Il est parti parce qu'il connaît les grosses structures. Et il a travaillé chez Japan Studio, il a travaillé avec Sony. Et en allant dans un petit studio comme ça, c'est la liberté qu'il recherche et justement faire ce qu'il a envie et d'essayer de créer du nouveau. Donc lui, quand il a commencé à citer, il a dit « Le matériel grand public tel que la PlayStation est développé pour un cycle de vie d'environ 8 ans. En revanche, le matériel pour la réalité virtuelle comme l'Oculus Quest est très similaire à l'évolution des smartphones, évoluant tous les 1 à 2 ans. Avec cette tendance, l'Oculus Quest 5 et 6 pourraient avoir été publiés au moment où Sony sortira la PlayStation 6. La vitesse de son évolution doit dépasser notre imagination. C'est pourquoi nous devons constamment remettre en question les nouvelles technologies tout en prédisant que le matériel évoluera à cette vitesse. Donc, c'est une vision des choses qui est intéressante, mais que je n'espère pas nécessairement. Ouais, moi non plus. C'est pas un truc qui... Et après, il rajoute, avec l'évolution de la technologie, les dispositifs VR ne nécessitent plus de consoles, plus de PC haut de gamme et plus de câbles. Donc là, clairement, on parle du Quest 2 en standalone. Ce qui permet... plus de graphisme. Voilà. Et plus de graphisme, ouais. Voilà. Ce qui permet à tout le monde de profiter plus facilement de la VR. Donc là, il est clairement au Quest. En train de parler du Quest. Sauf que, il vient d'annoncer qu'il venait d'être embauché chez Surseverse. Et là, il y a eu Shuhei Yoshida qui lui a dit tout simplement félicitations pour ton déplacement et pour ton changement de boulot. Et lui a répondu mais merci, et je ferai de mon mieux pour développer des titres PSVR 2. Donc, ça se fait des bisous sur Twitter, dis donc. Voilà, c'est des petits clins d'œil, des petites sympathies, des petites choses comme ça. Alors ça ne veut absolument pas dire que son prochain jeu sera sur PSVR 2, c'est juste une politesse vis-à-vis de Shuhei Yoshida. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le monsieur semble très impliqué en VR. On sait que Surseverse a pas fait grand chose en fait. Sword of Gargantua était plutôt vilain sur PlayStation VR en tout cas. Bah, vous pouvez retrouver le test d'ailleurs sur VR4Player avec le test de Majo en vidéo. Et voilà. Mais c'est intéressant de savoir ce qu'il va pouvoir apporter en fait dans un jeu, parce que des studios qui ont fait des jeux moyens et qui après ont fait des trucs excellents, il y en a plein. Moi je repense toujours à Swordsman là, où leur premier jeu c'était une catastrophe totale. Je ne me rappelle même plus du nom. Bon, on a oublié. Non, moi, ce que je lis, Warzone, c'était Warzone qui était une catastrophe. Ce que je retiens de tout ça, c'est producteur qui vient pas de nulle part, qui a quand même bossé sur des grosses licences, que ce soit VR ou en plat, qui se barre, qui va dans une petite structure et qui est à fond dans la VR. Et pour moi, c'est une très très bonne chose. Que ce soit Quest, que ce soit PSVR 2, que ce soit VR-PC, ça reste que le mec a de la bouteille, il a des connaissances, il sait où mettre les ronds justement parce que c'est son métier, et que s'il se barre comme ça, en tout cas s'il s'est pas fait prendre un coup de pied dans le cul par de la part de Sony, mais ça a priori non, ça reste quand même une bonne chose. Après je suis pas fan, je te dis, de sa vision, on va dire la vision sur consommation de la vision du matos par an, ouais moi c'est pareil, j'aime pas trop parce que déjà c'est contre-productif je trouve. Concernant l'écologie, etc. Mais bon, après, c'est quelque chose. On est impliqué ou pas. Après, moi, c'était très personnel. Mais c'est surtout que, voilà, c'est pas faire dépenser son pognon aux utilisateurs trop régulièrement, en fait. Contrairement à un smartphone, justement, qui est un outil, hein, finalement, qu'on n'utilise pas uniquement pour jouer, on l'utilise pas uniquement pour communiquer, on l'utilise pas uniquement pour téléphoner, on l'utilise pas uniquement. En fait, ça a tellement d'applications que c'est absolument pas comparable avec un casque de réalité virtuelle. Mais j'ai peur que avec ce genre de pratique commerciale, les joueurs se détournent de la VR, quoi. Et surtout que ça fasse mauvaise presse à la VR. C'est-à-dire que ceux qui ont investi dans un Quest 2, si dans 6 mois on leur dit Quest 3 qui arrive. Hey, mais gros, je viens juste d'investir 350 balles ou 450 balles. J'ai pas fini mon crédit. voilà. Donc non, c'est pas tout le monde qui peut débourser ce genre de la thune pour ça. Voilà, et ça peut pareil faire aussi mauvaise presse à la réalité virtuelle en disant attention, c'est vraiment un truc de nanti. Alors OK, à l'achat le casque est pas cher, seulement il aura une date de péremption d'un an quoi. Donc, oui, et puis on se retrouve vite avec mettons sur 4 ans avec cette logique là, tu te retrouves avec 4 casques. Et du coup forcément ceux qui ont acheté le premier alors après chaque année on va te sortir un ou deux jeux qui sera exclusif à ton nouveau casque juste pour le lancer, et tous les autres en fait le reste du temps tu vas te taper les jeux du premier casque. Donc après, disons que c'est vraiment une logique économique à court terme quoi, c'est même pas du moyen terme, c'est à court terme. Pour les devs c'est une cata, c'est une horreur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais en tout cas bon, ça reste après son transfert, on va dire, puis surtout son apport et son intérêt pour la VR, ça reste quand même la bonne nouvelle du truc. C'est intéressant. Voilà. Ensuite. Autre sujet, le jeu qui a été annoncé cette semaine, quand même, c'est un petit jeu, mais on va certainement le tester, on vous dira ce qu'on en a pensé. C'est Boxed In, c'est un jeu. Si vous n'êtes pas. Désolé, hein. Si vous craignez pas le motion sickness, vous allez avoir une crise d'épilepsie, parce que là, vous allez en prendre plein la tronche. Un jeu aux couleurs du Rubik's Cube, avec. Donc en gros, vous avez un pistolet, et puis vous allez avoir des cubes, et en tirant sur les cubes, vous allez les ces cubes qui vont disparaître, ce qui va faire tomber les autres cubes, et dès que vous en avez trois alignés, bah, la ligne va disparaître. Donc le principe est connu, sauf que c'est en VR, c'est compatible M-Controller, donc ça peut être drôle. Graphiquement, c'est une ignominie, j'ose même pas imaginer à quel point c'est moche. Non, c'est... Allez voir les images, franchement, voilà. Allez voir les images sur l'article. C'est... Par contre, niveau intérêt, je pense qu'il y a moyen de rigoler avec. Ouais, ça peut être donc... marrant, mais tu peux pas y jouer une demi-heure à ce jeu-là, tu saignes des yeux, quoi. C'est ce que je me demande, ouais. Parce que c'est compliqué, là, hein. Ça a l'air violent quand même. Donc, à voir. On en sera un peu plus dans les semaines à venir hein, sur ce titre-là. Mais en tout cas, il arrive. Hein, il sera dispo sur le store le 28 mai. Il arrive. Donc, allez voir sur le site. Il y a la vidéo trailer et puis il y a quelques images. Voilà. Faites-vous votre avis. Voilà. C'est le plus important. Je pense que ça va être le thème de l'émission. Faites-vous votre avis. Voilà. Il faut aller voir par vous-même et puis pas attendre que quelqu'un vous dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà. Mais bon, nous on trouve que c'est pas sexy, quoi, on va dire. Disons que ouais, au niveau du design, même en gardant ce principe-là, ils auraient pu rajouter, faire sauter les murs d'amier et puis mettre des trucs. Regarde le truc de Flipper là, ils ont réussi à mettre tout un environnement super sympa en VR autour. Tu peux très bien, ou même Tetris Effect, c'est pourtant des principes de jeu de base qui sont très simples. Là, franchement, ça, non seulement on a les yeux qui saignent, comme tu dis, mais il n'y a aucune recherche au niveau graphique, quoi. C'est une cata, quoi. Après, bon. Le gameplay est certainement très bien, mais bon. Oui, ça sera encore plus frustrant. Je pense que le jeu soit vraiment cool, mais juste ultra moche, quoi. Et on a déjà vu le cas de temps en temps. Mais je pense que le test va se faire à la courte paille dans la rédaction. Mais... Ouais. Donc, on verra. Bon, en tout cas, voilà, on vous en dira un petit peu plus. Aussi bien, on va dire, putain, c'est génial. Bah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est ça qui est chiant. Et en plus, t'as vraiment. T'as l'impression de dire oui, mais ici c'est trop bien, ouais, mais c'est moche, et puis tu passes pour un fou en fait, parce que tu kiffes un jeu qui est pas bien, enfin qui est pas vendeur, quoi. Donc bon, on verra en tout cas, voilà, on aura le test, on saura exactement à quoi s'en tenir, et puis voilà. Donc c'était Boxed In, voilà. Ensuite on a une petite news concernant le PlayStation Home qui est mort et enterré depuis pas mal de temps. PlayStation Home, c'était le multiverse qui était sorti en décembre 2008 par Sony. Mais avant, il faut remonter un petit peu plus dans le temps. Il faut démarrer avec Linden Lab, qui avait lancé en 2003. Donc c'était les premiers à avoir lancé Second Life. Donc c'était le premier jeu multiverse. Qui avait fait un sacré carton. Il y avait même eu des règlements de compte, il y avait eu des tonnes de choses sur ce Second Life. Donc c'était un monde virtuel, on avait son avatar et puis on faisait ce qu'on voulait à l'intérieur. Eh ben, il y avait même des grosses entreprises qui avaient investi un peu comme le Bitcoin des zones, ils avaient acheté des terrains dans Second Life pour faire construire ce qu'ils voulaient. Il y avait des zones commerçantes où des magasins avaient leur version numérique de leur magasin dans Second Life. Le Second Life, c'était vraiment à l'époque, je pense que ça doit toujours exister d'ailleurs. C'était vraiment un phénomène, hein. C'était un phénomène un petit peu underground, mais finalement extrêmement extrêmement prisé par beaucoup de geeks. Et il y a eu des transactions de pognon, de vente de terrain, de services aussi. T'as eu des problèmes de prostitution sur ce Second Life. C'est un truc de barjo, vraiment un phénomène, pas suffisamment connu, parce que justement le fait d'en parler et de s'intéresser un petit peu à ces phénomènes là ça pourrait permettre justement à éviter ce genre de dérive, vraiment, que ce soit au niveau économique ou alors vraiment humaine. Mais bon, il y a aussi des bonnes choses qui sont passées dessus, hein. Il y a des gens qui sont mariés, il y a eu des trucs bien, des communautés qui sont créées, des amitiés qui sont faites, donc voilà, il y a quand même des choses un petit peu positives, mais t'as aussi eu des dérives, mais alors un truc de barjo, quoi. C'est vraiment tout ce qui va pas dans notre monde, mais en virtuel, quoi. Ah bah ouais, les mecs ils sont débridés, hein, là-dedans. C'est un monde virtuel, ah, qui faisait n'importe quoi, les types. C'est ça. Mais donc suite à ça, bah, en décembre 2008, bah, Sony avait lancé le sien, hein, PlayStation Home, donc qui était destiné aux utilisateurs de PlayStation 3. Et donc, c'était donc une espèce de Sims Online, hein, c'est le principe. Et donc, bah, petit à petit, il a été abandonné. Fermeture complète du PlayStation Home le 31 mars 2015, et puis plus rien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce nom de domaine, ce nom de marque PlayStation Home vient d'être relancé. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas tant que Sony Interactive Entertainment ait relancé la marque PlayStation Home, mais plutôt qu'il ait relancé en même temps, le même jour, deux choses en fait. Donc non seulement ils ont relancé la marque PlayStation Home jusqu'en 2028, mais le même jour, ils ont également déposé le nom de Soho Engine, donc Soho Engine qui sera un moteur graphique qu'utilisera le studio London Studio. Alors London Studio, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le studio soit créé, il a été créé à partir de la team Soho à Londres, le quartier de Soho à Londres d'ailleurs, qui se situe dans le quartier de Soho. Et donc cette équipe, après, a été fusionnée avec une autre pour créer London Studio. Donc c'est pour ça qu'ils ont appelé ce moteur Soho Engine. Voilà. Donc ensuite, il faut savoir que PlayStation Home était développé par London Studio. Donc le même jour, London Studio, donc c'est Sony Interactive qui dépose à la fois le nom d'un nouveau moteur et en même temps PlayStation Home, un moteur pour London Studio et PlayStation Home qui appartenait à London Studio. On pourrait dire que c'est un peu maigre comme information, parce que c'est vrai que dans le principe, ils pourraient très bien relancer, juste repayer la licence pour la relancer en 2028 et puis qu'il ne se passe rien jusqu'en 2028. Sauf que... Là, vu la conjoncture actuelle avec la réalité virtuelle, il n'y aurait pas eu de PSVR 2 d'annoncer, il n'y aurait pas eu de nouveaux contrôleurs d'annoncer. Pour moi, PlayStation Home, il était terminé, hein, c'était fini. Maintenant, avec la VR qui va arriver, et puis surtout avec Facebook, encore eux, qui sont en train d'annoncer et de sortir carrément Horizon, donc qui est le leur en fait. C'est Horizon, c'est rien d'autre qu'un réseau social multiverse en VR. Je ne serais pas étonné que Sony remette sur pied PlayStation Home juste pour avoir sa version, parce que ils ont quand même pas mal insisté. Jim Ryan a pris la parole il n'y a pas très longtemps. C'est quand même la VR, ça n'est pas que le jeu vidéo, il y a quand même tout un tas de choses qui va autour. Et admettons que pour séduire un public plus casual, ou peut-être que justement ce genre de petit réseau social VR, ça pourrait beaucoup plaire. Donc voilà, pour l'instant. Moi, perso, je pense qu'il pourrait bien repointer son nez dans pas longtemps. Quoi. Il y a un coup à jouer. C'est vrai que PlayStation Home, je ne sais pas si tu l'avais essayé à l'époque. Moi, je sais que j'avais passé quelques soirées dessus, justement. J'étais en période de disette. C'était vraiment ce qui pouvait te permettre de passer des bonnes soirées, parce que tu avais plein d'activités, en fait, des trucs à la con. Tu vois, ouais. Tu pouvais jouer au bowling, tu pouvais acheter des fringues. Bon, ça, c'était vraiment le côté très, très secondaire. Mais tu avais des jeux d'échecs, de dames. Tu vois, tu avais un espèce de petit... une petite place centrale, tu vois, justement, où tu pouvais rencontrer des gens, discuter, etc. Ouais, c'était sympa, quoi, comme c'était plutôt convivial, les gens étaient pas trop trop cons, en tout cas quand j'y suis allé. Donc non, c'était bien, et en VR, je pense que ça pourrait vraiment le faire aussi. Ah bah carrément, et puis tu rentres du boulot, c'est un peu l'esprit rec room, sauf que tu peux discuter, tu peux carrément parler pour de vrai, et puis tu vas vivre le truc, c'est autre chose, quoi, donc... Je pense que c'est... De toute façon, on sait que la VR ne se limitera pas qu'aux jeux vidéo, que l'objectif de l'AR et de la VR, c'est au final remplacer les ordinateurs. Hein. C'est des écrans, et puis en plus, il s'en cache même plus, parce que même Mark Zuckerberg l'a dit clairement, que lui, maintenant, son objectif, c'était de faire un ordinateur sans ordinateur. Donc, tu mets ton casque AR et puis tu as un écran et un clavier devant toi. C'est le principe de... Alors, j'ai bouffé le nom. Facebook... C'est ce qu'ils ont montré, de toute façon, à leur première... Voilà, voilà. J'ai mangé le nom du truc. Mais c'est pour ça aussi que les petits d'Apple et certainement Microsoft vont se réveiller aussi avec HoloLens. C'est justement pour ne pas laisser passer ça, parce que là, ils s'attaqueraient au marché de l'informatique de manière détournée. On n'aurait plus besoin d'ordi et puis on aurait tout... On n'y est pas, à mon avis. Hein. On n'y est pas, mais d'ici 2-3 ans, on y sera. Ouais, mais comment est-ce qu'il va faire Marky Mark pour faire ça quand il va ban et bloquer tous les comptes de tout le monde? Ça après, oui, c'est sûr que c'est un autre souci. Mais bon, donc maîtriser la VR de demain, c'est maîtriser l'avenir de la technologie. De toute façon, tout a tendance à tourner autour du cloud. Le cloud, ça voudra dire aussi le cloud. Ça voudra dire aussi le sans fil. Parce que quoi qu'il arrive, à partir du moment où on sera connecté au cloud, on y sera soit en Wi-Fi, soit en 5G. Et donc là, n'importe quel appareil sera sans fil. Et puis ça veut aussi dire, à partir de là, tu mets ton casque n'importe où dans ta maison, tu veux faire de la batterie, tu peux avoir une batterie virtuelle avec des baguettes et puis jouer de la batterie. Étant batteur, j'ai beaucoup de mal avec les instruments virtuels. Bref. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de trucs qui vont dans ce sens-là quand même. Le bordel, c'est pas la même. Il y en a énormément. Après, je sais pas au niveau. c'est sûr qu'une batterie, il faut avoir un minimum de retour pour. Quand même. Ouais. mais en même temps, donc l'informatique, ça va être une des parties visées. Par l'AR et la VR et aussi les réseaux sociaux. Facebook, c'est quand même un réseau social qui est en train de franchement se casser la gueule, qui est un réseau de papy. C'est un réseau de papy, tout le monde le dit, c'est pas pour rien, c'est plus le réseau à la mode depuis longtemps. Instagram, tôt ou tard, on s'aperçoit peut-être qu'avec le temps, les réseaux sociaux sont vraiment des programmes, des phénomènes de mode. Il n'y en a aucun qui arrive à tenir. Il n'y en a aucun qui arrive. On a eu Facebook, on a eu Insta, on a TikTok, et puis on a eu MySpace. Et puis dans 10 ans, il y en aura un nouveau, et ça va changer comme ça tout le temps. C'est là où Sony ont quand même quelque chose à mettre en place, c'est d'avoir leur petit oasis de Ready Player One de côté. Ça peut être pratique d'avoir son petit réseau social pour garder toute sa communauté bien regroupée au même endroit et éviter qu'ils aillent se balader sur Facebook et compagnie, quoi. Okay. Bon, on verra. En tout cas, voilà. Je dis toujours la même chose, on en parlera quand on en saura un peu plus. Voilà. Et puis voilà. En ce moment, il y a peu d'informations, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations. Donc, soit on ne fait aucun article sur le site, et soit dans ce cas-là, le site, autant le fermer. Dès qu'on lit quelque chose d'intéressant, on le balance. Et puis voilà. C'est ça. En tout cas, on y sera très attentif, soyez-en sûrs. On avait encore envie de parler de Facebook, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Facebook. De Marc. Notre ami Marc, qu'est-ce qu'il a raconté encore, Marc? Il a eu encore un moment d'égarement. Marc, il a fait son américain cette semaine. Yeah. Donc il a fait son américain, c'est-à-dire que le marketing américain, c'est quoi? C'est qu'on va vous dire ce que vous avez envie. Ce que tu vas aimer. Voilà. Ce dont tu as besoin. Et on va tellement vous le dire fort que vous allez le croire et après vous allez acheter. Voilà, c'est ça le marketing américain. Donc en gros, il y a eu un coup de téléphone aux investisseurs cette semaine concernant les consommateurs. Et donc Mark Zuckerberg a pris la parole et il a annoncé que les consommateurs ne sont pas intéressés par les casques VR avec fil. Mais il a raison, cet homme-là. Il a raison, bien sûr. C'est un visionnaire. Alors, ça me fait rire parce que Mark Zuckerberg, il dit « Les consommateurs ne sont pas intéressés par les casques VR avec fil. » Phil Spencer disait que les consommateurs, personne ne voulait de la VR. C'est pareil. C'est le même fonctionnement, en fait. On sent une certaine similitude, oui. Alors, il a annoncé « D'autres personnes pourraient essayer d'expédier quelque chose qui, selon eux, est de meilleure qualité, mais qui a un fil. Je ne pense tout simplement pas que les consommateurs voudront y aller. » Selon eux, de meilleure qualité ? Voilà. Non, mais il suffit en fait d'avoir des yeux. Quelque chose qui, selon eux, est de meilleure qualité. D'accord. Non, mais Marc, lui, sait, ce que c'est de la meilleure qualité, en fait. Et il rajoute « Avoir des fils enroulés autour de vous brise vraiment le sentiment de présence et d'immersion. » Alors, cette phrase m'a fait assez rire. Avoir des fils enroulés autour de vous, pour arriver, faut quand même tourner un bon moment. Sur PC, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, parce que voilà, on n'est pas sur PSVR avec un tracking justement à 180 degrés, mais là, on est vraiment à 360 degrés. Je dois avouer qu'il m'est arrivé, avec le Rift S, notamment quand j'ai joué à Alix, justement, où t'es vraiment obligé de jouer debout et vraiment en room scale, et tourner, ouais. Que de temps en temps, tu sais pas trop où est-ce que tu fous les pieds et que ça peut être un peu dangereux. Donc, sur ce côté-là, je veux bien. Mais après, c'est la façon surtout de le tourner et dire que, voilà, l'absence de fil excuse absolument le manque de texture, le manque de lumière, le manque d'effet de particules, le manque de tout ce qui fait un petit peu là aussi la qualité graphique et la qualité de l'immersion et de présence justement dans les jeux. En fait, il est en train de retourner un petit peu le truc à sa sauce et c'est pas super honnête quoi. Voilà, voilà. Et puis quand on parle de sentiment de présence et d'immersion, personnellement, moi, ce qui me choque le plus, justement, pour la présence et l'immersion, c'est pas le fil qui me dérange le plus. Moi, c'est les graphismes de merde. Personnellement, c'est très bien hein, d'avoir un casque sans fil complètement autonome avec un système embarqué. Mais n'empêche que pour l'instant, si c'est pour faire un Resident Evil 4 de PS2, sur un casque complètement autonome. Enfin moi personnellement je suis partisan que pour moi le moteur de la VR c'est Half-Life Alyx, c'est pas le sans fil. Attention, je vais juste rajouter un petit truc pour les auditeurs, c'est que on ne chie pas à la gueule du Quest 2. On ne dit pas que tous les jeux Quest 2 c'est des jeux de PlayStation 1 ni quoi que ce soit, ça serait complètement débile de dire ça. Ah non, parce qu'on peut le brancher sur un PC. Mais même en autonome, t'as quand même des jeux, Steph nous l'a encore dit, comme le Star Wars Galaxy, là où je sais plus comment il s'appelle, c'est un des plus beaux jeux qu'il a vu et que c'est vraiment... un des plus beaux jeux bluffant. PS2 qu'il a vu. Non mais arrête, j'essaie justement d'arrondir les angles. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà, on va pas non plus chier complètement sur le Quest 2, mais on sait de toute façon que les productions Quest 2 sont obligées de se caler aussi sur les productions Quest 1, et on voit très bien la différence entre des jeux comme Saints and Sinners sur PC et après quand ils jouent sur Quest 2, la différence elle fait un petit peu mal aux yeux quoi. Donc voilà, faut pas non plus excuser. Faut pas que l'absence de fil excuse absolument tous les downgrades, quoi. Et dire que, justement, parce qu'il n'y a pas de fil, ben, forcément, les gens, c'est ce qu'ils veulent. Juste pas avoir de fil. Non, les gens aussi, ils veulent une immersion par les graphismes et puis par la cohérence de ce que tu vois, de ce que t'as devant tes yeux, quoi. Et sur Quest, majoritairement, en tout cas, c'est pas des masses le cas, quoi. Bah c'est surtout que c'est le monsieur qui vend des casques sans fil qui dit que tous les casques avec fil sont pourris, en gros. Non, mais c'est un truc de vendeur, c'est un vendeur. Donc, et c'est normal, c'est son boulot. Hein. Voilà, ce qui me dérange, pour en revenir à ce que tu disais sur le Quest 2, que les choses soient bien claires, le Quest 2, ce qui est intéressant maintenant, si vous en avez un, il y a des chiffres qui sont très... Facebook sont un peu radins sur les chiffres et ils ne veulent pas divulguer le pourcentage de gens qui jouent avec leur Quest 2 sur PC. Parce que combien il y a de personnes, en fait, dans les 3 millions de Quest 2 vendus qui l'utilisent sur PC, et combien il y en a qui l'utilisent que en standalone. Et ça, c'est super important pour savoir, en fait, quel ratio, quand on est un développeur, de savoir est-ce que le jeu, s'il y a 80% de gens qui l'utilisent en standalone, eh ben, il va peut-être mieux falloir faire des jeux pour le standalone, donc juste pour la Snapdragon, juste des jeux pour 1 teraflop de puissance, ou si beaucoup de gens utilisent sur PC, dans ce cas-là, il va peut-être plus falloir développer des AAA sur PC, parce que de toute façon, ils y auront accès avec Quest. Et le problème, il n'est pas sur le Quest. Le problème, il est justement pour savoir comment le marché va passer d'un côté ou de l'autre, va changer d'équilibre si par exemple il y a une masse de casques standalone. Donc là je ne parle pas que de Facebook, si HTC se lance là-dedans, si Sony se lance là-dedans, et qu'on se retrouve qu'avec des casques standalone, parce qu'ils nous auront imposé le sans fil, hein, parce que moi personnellement les fils j'en ai rien à faire qu'il y en ait ou pas. Alors je dis pas hein, le PSVR, il y avait trop de fils, mais un fil c'est pas ça qui va me déranger. Par contre on nous l'a imposé le sans fil, on a déjà dit maintenant c'est du sans fil, c'est ce que les gens veulent, et apparemment ça marche parce que tout le monde veut du sans fil. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire si ça se généralise et si tout le monde, y compris sur SteamVR, sur PS5, de partout, se retrouve avec des casques autonomes, donc des casques avec des puissances de Switch intégrées, hein, ou voire, on va dire, une Snapdragon 888, donc une console quand même moins puissante qu'une PS4, qu'est-ce qui va se passer en VR? Eh ben les développeurs, ils vont toujours développer pour le casque qui aura le plus de de vente. Pas le plus de succès, le plus d'utilisateurs. Donc si les développeurs s'aperçoivent que maintenant c'est du tout standalone, c'est terminé. Et c'est ce qu'on a vu, c'est là où on fera l'enchaînement avec toi, Sei, sur Wers The Oblivion, où on voit une version sur PC qui est identique à la version Quest 2, voire la version Quest 1. Ce qui veut dire qu'on aura on y reviendra. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est là où on sent que les petits studios, ils n'ont pas les moyens de développer une version PC de malade et à côté de faire une version autonome comme s'ils devaient développer à la fois sur une PS4 et sur une PS Vita. Donc ils vont dire, on n'a pas les moyens, on va soit développer la version PS4, soit la version PS Vita. Sauf que là, avec la VR, ce qui se passe, c'est qu'ils vont développer le même jeu, donc la version Quest, et ils vont dire bon, on s'en fout, on le balance le même sur PC, sur PS5, on le balance de partout. Sauf que si aujourd'hui on balançait des jeux PS2 sur une PS5, je pense que ça vaudrait gueuler, mais sévère, sur la toile. Et que là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fanboyisme et d'aura qui est en train de se former, que dès qu'on dit que le PSVR 2, le Quest 2, il est bien sympa, mais bon, la version standalone, elle est quand même pas trop puissante, et les jeux, ben, ça s'en ressent. Je pense quand même à Resident Evil 4 quand on voit le trailer. Et on voit que les influenceurs commencent à fracasser la VR en ce moment un peu de partout, à propos de Resident Evil 4. À cause de ça. À cause de ça. Et que, en plus, pour finir, la VR, elle est encore pas très démocratisée. Donc, elle a besoin d'une image, elle a besoin de faire rêver, elle a besoin de voir, on a besoin de voir des Alix et des trucs comme ça pour que le grand public se dise « Putain, mais si, ça a l'air pas mal quand même, je vais en prendre un ». C'est sûr que c'est pas en montrant sur YouTube des morceaux de Resident Evil 4 qu'ils vont vendre des casques ou ils vont vendre de la VR. Peut-être sur la licence dans ce cas-là, mais en tout cas sur les graphismes, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a mangé avec le PSVR, nous, depuis 2016 ? C'est quand on balançait une vidéo sur le PSVR, le nombre de commentaires qui disaient « ça fait gerber, mais c'est quoi cette dope, c'est quoi ces graphismes de merde ?» C'était à longueur de journée. Dès qu'on balançait une vidéo, on y avait droit. Le problème, c'est que maintenant, c'est bien d'avoir une console portative. Au moins c'est nomade, ça peut partir de partout, le Quest 2 c'est drôlement bien pour ça. Le problème, il vient encore une fois ni du Quest 2, ni du prochain HTC s'ils font la même chose, ni le problème il vient de comment le marché va virer en fait. Évoluer. Moi, il y a un truc, équilibrer le marché en fait. Voilà, exactement, et c'est exactement ça, voilà, t'as mis le doigt dessus. Moi, ce qui m'embête vraiment dans cette déclaration là, c'est que encore une fois, on met en opposition des choses qui ne doivent pas être mises en opposition. À savoir, voilà, nous on vend du Quest 2, ça fonctionne très très bien, ça cartonne, c'est super. Et donc la conclusion, c'est que les gens préfèrent avoir du sans fil que du filaire avec des expériences qu'ils jugent, ou j'ai plus à tourner de phrase, qu'ils pensent être de meilleure qualité. C'est quoi l'intérêt de ce truc, à part vraiment vendre son produit et basta. C'est quoi l'intérêt justement de mettre en opposition? C'est un petit peu comme dire franchement, ta PS4 ou ta PS5, elle est bien marrante, elle est bien gentille, mais en fait, vu qu'il y a des fils et que je peux jouer que dans mon salon, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère jouer à ma 3DS. Parce que je peux y jouer dans le métro, tu vois, c'est pas le même marché, c'est pas la même utilisation, c'est pas la même gamme de jeux qu'il y a dessus. Je dis 3DS ou alors la Switch, hein. Ouais, mais c'est ça. C'est pas vraiment, c'est pas comparable, en fait, et l'un ne peut évoluer sans avoir à dénigrer l'autre, en fait. Donc c'est un petit peu dommage justement ce genre. Enfin, après voilà, je te dis, c'est son rôle, hein, c'est un vendeur. Ah bah bien sûr. Voilà, il doit vendre son truc surtout avec les casseroles qu'il a. Il vend du casque sans fil. Moi perso, je suis partisan d'augmenter un maximum la puissance pour en mettre plein la vue, et que de toute façon, avec l'arrivée du cloud, tôt ou tard, du sans fil, on l'aura. Donc que ça n'empêche pas non plus le sans fil de vivre et d'avoir sa porte d'entrée et avoir son public qui ne jure que par ça. Il n'y a pas de problème, c'est très très bien, mais qu'on n'en mette pas en opposition justement. Bah le fil, c'est saut 2019, quoi, tu vois. C'est pas comme ça que ça peut évoluer. C'est ce qui est dangereux, c'est que le Quest est pourquoi le Quest marche aussi bien, c'est parce que c'est un super casque. Hein. Au niveau résolution, il est top, il est léger, il est facile à mettre, il est tout de suite utilisable. Donc, il est facile à comprendre. C'est un confort, c'est un vrai confort. Après, tu le branches sur un PC ou tu ne le branches pas, tu passes par l'Airlink carrément en streamant le jeu. Tu joues à des vrais jeux, tu joues à des gros jeux AAA, VR, des gros jeux, des trucs terribles. Donc en fait, c'est pour ça qu'il marche aussi bien. C'est parce qu'avec ce casque, c'est un couteau suisse, tu fais tout en fait. C'est ça. Le problème, c'est encore une fois, c'est pas le Quest. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on est à 3 millions. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura 10 millions de Quest 2 de vendus et qu'ils vont commencer à s'apercevoir que sur les 10 millions, il y a les casuals qui vont arriver, donc ceux qui jouent habituellement sur des téléphones mobiles et tout ça, qui ne sont pas forcément fans de. Qui vont acheter ça pour s'amuser un soir ou deux, et qui vont acheter et qui vont y jouer juste en standalone, sans PC, sans console, sans rien du tout à côté. Et eux, par contre, le problème, c'est qu'ils sont en masse par rapport aux joueurs. Donc, quel va être le ratio entre le nombre de joueurs qui utilisent le Quest 2 sur PC et le ratio qui... Et surtout, le danger, c'est si des casques comme ça, parce que ce n'est pas que le Quest, si derrière, tous les concurrents se lancent là-dedans et que tout le marché se centralise sur ça, c'est comme si sur console, tout le marché se centralisait sur la 3DS et sur la Vita et abandonnait complètement la PS5 et la Xbox. C'est ça. Et dans ce cas-là, c'est encore pire que ça, parce que c'est comme si les développeurs ne développaient plus qu'un jeu PS Vita et ils se disaient, ben, on va sortir le même jeu sur PS5. Voilà. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en VR. Donc, à mon avis, il y a un gros débat. Il y a un gros débat autour de ça. Et pour l'instant, et ben, c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis assez content que Sony ait balancé qu'il y aurait un fil sur la PS5, parce que finalement, eux, ils veulent vendre des PS5, et du coup, sachant que la PS5, c'est quand même une console qui s'est bien vendue, elle est déjà à 9 millions de ventes, alors qu'elle n'est même pas en stock, et du coup, si le PSVR 2, il est filaire avec la PS5, et ben, les développeurs indépendants vont être obligés de travailler sur une machine qui fait 10,8 teraflops, donc une machine récente aussi puissante qu'un PC, et ces mêmes développeurs, et ben ces jeux là qui vont être produits, ils vont les faire aussi sur PC, ou ils vont même les faire sur PC et les porter sur PS5, et ça va stabiliser le marché, parce qu'il y aura autant de développeurs qui vont dire, ben moi je vais travailler un jeu PC PS5, ah, moi je vais en faire un pour Quest 2. Et ça va équilibrer tout ça. Le danger, c'est que tout le marché vire sur le tout standalone. Et là, les développeurs, ils vont se dire quoi ? Là, maintenant, c'est le standalone. Donc, pas la peine qu'on se fasse chier à faire des Alix. Hein. On va se réserver des trucs à 1 Tera. Comme ça, il marchera sur Quest, il marchera sur Quest 2, il marchera sur PSVR 2. Après, voilà. juste pour finir là-dessus, parce que voilà, on a déjà discuté dans l'émission, et puis on sera, je pense, aussi amené, comme tu dis, à débattre encore un petit moment là-dessus. Les Alix 2, ils vont arriver sur des machines autonomes au bout d'un moment. C'est en tout cas ce vers quoi tend justement le développement des casques de réalité virtuelle. Parce que le hardware va évoluer, parce que si en plus, comme le producteur qui est sorti de Sony, là, Teruyuki Toriyama, l'annonce, il y a plusieurs mises à jour de hardware qui comme il le sent est possible, en tout cas dans ce marché là forcément au bout tu vas arriver à faire tourner des Medal of Honor Above and Beyond sur des casques autonomes sans problème, c'est sûr, même encore plus beau. T'as vu à la vitesse qu'avancent les puces quand même, c'est un truc de dingue. Ah ouais, non mais c'est un truc de fou. XR2 qui est quand même une version améliorée de la 845 chez Snapdragon il me semble, qui était déjà à 1 teraflop, un peu plus de 1 teraflop. Donc c'est celle qui est dans le Quest 2. Maintenant les nouveaux Xperia qui arrivent, c'est de la 888. Donc là on est sur du 1,7 teraflop GCN. Donc en très peu de temps, la PS4, elle est quasi acquise. Déjà, l'Apple A14, elle arrive à avoir la même puissance approximative, parce que c'est plus compliqué que ça. Hein. Parce que derrière, il faut tout redévelopper. On ne va pas porter un jeu aussi facilement. Mais en tout cas, au niveau puissance, c'est là où Mark Zuckerberg ne se trompe pas. C'est qu'on va arriver avec des technologies qui vont être de plus en plus miniaturisées, de plus en plus puissantes, et que bientôt, on aura un PC standalone, sans même besoin du cloud. On pourra envoyer des mails, on pourra écrire des textes, on pourra juste avec un téléphone. On a déjà des PC dans la main dans nos téléphones, et les puces deviennent tellement puissantes aujourd'hui que la VR est accessible aujourd'hui sur tous ces téléphones, quoi. Mais voilà, c'est normal qu'il dise ça, il a pas tort dans le fond. Le problème, c'est que à court terme, on a un petit peu peur que qu'on recule, en fait, quand tu vois déjà des productions Oculus comme Asgard Brass ou alors l'Onycose, et que tu vois les jeux qui sortent maintenant sur Quest 2 qui sont vraiment de qualité bien plus médiocre graphiquement. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait. C'est pour ça qu'il faut pas mettre en opposition le filaire et le non-filaire. Et les deux doivent justement avancer en même temps. Exactement, coexister et se développer en même temps. Voilà, tu peux pas dire je préfère le portable et enfin mon casque VR portable et cracher sur des productions un peu plus velues sur ordinateur ou sur PS5. Complètement d'accord. C'est peut-être trop tôt en fait pour opposer les marchés, quoi. Et puis ça marche dans l'autre sens aussi, parce que plus il y aura de production PC, plus on aura des jeux qui arriveront sur PS5 en VR. S'il n'y a plus de production PC, derrière, Sony, ils vont peut-être payer 15 ou 30 licences, mais au bout d'un moment... Donc ça peut être un bâton dans la roue de la VR. Alors pas forcément détruire la VR, mais la retarder. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui équilibre un peu le truc. Et qui, alors d'accord, Facebook, Quest 2, ils maîtrisent le marché PC. Pour l'instant, ils font de l'argent, ils gagnent, ça marche bien, ça plaît, pas de souci. Mais ça serait bien qu'il y ait des petits concurrents qui arrivent et qui proposent, qui les laissent pas tout seuls, quoi. Et surtout qu'il n'y ait pas tout le monde qui arrive sur du standalone, parce que c'est la mode du standalone. Parce que là on peut dire adieu au gros AAA, quoi. Alors il y a l'Oneco 2 qui arrive, qui remet Oneco un 2, peu, ouais. qui va remettre un petit peu le le moral, remonter le moral des troupes, mais c'est pareil, l'Oneco 2, s'il sort maintenant, c'est qu'il a été commencé il y a 2 ou 3 ans en développement. Donc à l'époque où le Quest 2 n'était pas censé tuer le Rift S, donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que Facebook vont se relancer sur un casque filaire? À mon avis, ils sont mal barrés pour, ils sont pas partis pour. Eux vont se concentrer sur le cloud et sur vraiment des machines de plus en plus puissantes standalone avec des systèmes embarqués. Mais vont-ils continuer à développer des jeux pour PC AAA maintenant? Ça, c'est une question. Je sais pas. Et ça, vous le saurez au prochain épisode. Voilà, parce qu'on pourra en parler des heures et des heures, hein, mais voilà, on va quand même passer à la suite, et de toute façon, on verra un petit peu comment ça évolue tout ça. Voilà. Et ben justement, à propos de Oculus, il y a les Oscars, 93e, je crois, cérémonie des Oscars qui a eu lieu c'est le 25 avril, hein, c'est il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours. Et donc, parmi tous les nominés et tous ceux qui ont gagné les petites statuettes, il y a un moyen métrage qui a gagné l'Oscar du meilleur documentaire. Ce documentaire, il s'appelle Colette. C'est un moyen métrage qui dure 25 minutes en fait sur la sœur d'un résistant en fait qui s'est fait enfermer dans un camp et qui est mort. Et donc ça suit un petit peu l'initiative d'une historienne en herbe qui a accompagné cette dame pour justement revisiter ce camp. Donc voilà, c'est un documentaire assez lourd, assez poignant en fait. Et pourquoi je vous en parle? Parce que en fait, donc, il a gagné un Oscar. Colette Marin-Catherine est une Française. Coproduit en tout cas par Alice Doyat qui est française également. La fille qui accompagne Colette est française. Ça a été réalisé, je crois, par un Italien, il me semble, Anthony Giacchino. Et voilà, donc ils ont gagné une statuette. Et pourquoi j'en parle? Parce que en fait, c'était une commande d'Electronic Arts, Respawn et Oculus Studio. Au départ, ce documentaire. Et c'était c'est un documentaire, en fait, qui fait partie des documentaires qu'il y a dans Medal of Honor Above and Beyond. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez regardé la vidéo de présentation que j'avais fait sur YouTube pour VR4Player. Je parle justement d'une petite pièce où t'as des documentaires qui passent dedans, qui sont super bien réalisés. En fait, on est dans une pièce en VR et puis on a l'écran plat justement en face de nous pour voir ces documentaires. C'est vraiment dans la tradition des Medal of Honor. Ils ont souvent fait ça, repris des images d'archives, etc. Sauf que là, ils ont vraiment produit des documentaires. Et donc, il y a un documentaire de cette série-là qui vient de gagner un Oscar. À ma connaissance, c'est quand même au niveau du jeu vidéo, assez historique. Hein. Jamais un contenu qui a été justement produit pour un jeu vidéo n'a gagné un Oscar ou n'a eu une récompense comme ça, cinématographique, vraiment, donc extérieur au jeu vidéo. On n'en parle pas de la cérémonie de, justement, je ne sais même plus comment s'appellent les cérémonies du jeu vidéo, mais bon, c'est jamais arrivé. Et donc, du coup, voilà, je trouvais ça bien. Qui plus est, un jeu exclusivement VR, je trouve que c'est une belle reconnaissance. Ça montre vraiment que le jeu, déjà, c'est pas que du bourrinage, quoi, c'est aussi un devoir de mémoire, et puis ça peut avoir une portée cinématographique impactante, on va dire. Donc voilà, encore une fois, hein, je crée mon amour pour Medal of Honor Above and Beyond, qui est gorgé de bonus dans ce genre-là, super intéressant, en plus d'être un très bon jeu. Donc voilà, je voulais juste en parler, c'était un peu hors sujet, mais bon, c'est quand même lié au jeu vidéo. Et en plus, à la VR. Donc voilà, ça a été ensuite repris par Guardian pour justement le mettre sur YouTube et puis dans leur rédaction. Donc voilà, je trouve que c'est une belle histoire, c'est une bonne chose, c'est en plus un très très bon documentaire forcément. Donc voilà, essayez de voir, il est disponible sur YouTube, vous pouvez le trouver assez facilement. Donc voilà, et si vous voulez. Ça permet aussi de parler un peu de VR au grand public. Ouais, vite fait quand même, parce que j'ai l'impression que les articles généralistes qui ont repris l'information ils parlent vite fait pas, de ça. Ouais. Ils disent quand même c'est Electronic Arts, Respawn et Oculus Studio qui a participé à ça, mais ça met pas trop en avant justement le fait que ce soit un truc. Ils s'en foutent finalement, c'est pas vraiment le c'est pas la matière première de l'article, on va dire. Le but de présenter l'article, c'est vraiment le documentaire en lui-même. Mais voilà, on sait d'où il vient et ça fait plaisir. On espère surtout avoir ce genre d'initiative un peu plus souvent. Je trouve ça bien justement que la VR, c'est un super outil pour s'informer sur l'histoire, sur même les expériences sur Oculus, comme la tombe de Nefertiti que tu peux visiter en VR, tu vois, c'est pas suffisamment mis en avant. Ou alors Notre-Dame de Paris, t'as plein de choses comme ça. Même sur PSVR, il me semble que t'en as quelques-unes, des trucs, mais pas suffisamment, tu vois. T'as la grotte Chauvet sur Steam, et c'est que des trucs gratos, et c'est génial, quoi. Et moi, j'adorerais justement que sur PCVR, tu puisses avoir des visites d'Égypte comme sur Assassin's Creed Origins, mais avec ton casque de réalité virtuelle sur les yeux, ça serait génial, quoi. Ouais. Porter un petit peu la culture à travers l'écran de ton casque. Surtout en ce moment, ça serait vraiment génial. Et je pense que c'est largement pas suffisamment fait. Voilà. Donc Medal of Honor, ils l'ont fait avec Bob and Beyond. Ça part même en marche arrière avec YouTube VR qui est de moins en moins soutenu. Hein. Ouais, ça reviendra, tu sais, ça vient. Ce genre de truc. Ouais, je suis pas trop inquiet. J'espère que Google vont se relancer là-dedans. Donc voilà, c'était une petite aparté pour Colette. Ensuite, de quoi on va faire les tests maintenant. Petit test rapide d'Altdeus. Petit test. Beyond Altdeus. Chronos. Altdeus. Beyond Chronos. Qui est pas un jeu, c'est plus un petit film d'animation interactif, on peut l'appeler comme ça, dans la mesure où en fait on peut très bien s'installer dans son canapé. Alors, on va pas s'avachir parce que ça se joue au PS Move, mais on peut très bien se mettre tranquille dans le canapé. Au final, on n'aura pas grand chose à faire avec nos PS Move, mis à part appuyer sur des boutons pour faire avancer le scénario. De temps en temps, il y a quand même quelques mouvements à faire, notamment quand on prend la tête des robots, mais c'est vraiment du dessin animé interactif en réalité virtuelle. Donc c'est pas un jeu, ça se destine vraiment aux fans de manga, aux fans du manga aussi, et ceux qui vont aimer ce style de narration. C'est sympa si on ne le prend que pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film interactif. Si on le considère comme un jeu, on va le fracasser au niveau de la note. Donc c'est là où le test était compliqué. En gros, le scénario, c'est du bon scénario de manga. En 2080, la Terre, elle a été anéantie par des extraterrestres qui sont des espèces de boules géantes. Avec des tentacules avec, ouais, enfin, c'est des espèces de monstres un peu, un peu comme des fleurs ou des trucs un peu des gros trucs. Ça me rappelle un manga que j'ai vu dans les années 90. Et donc, ils ont fracassé, ils ont détruit toute la Terre n'est plus habitable. Le seul endroit qui reste habitable, c'est la ville de Tokyo. Donc, c'est même augmenté de Tokyo qui est en fait sous terre. Qui est à 2 km sous terre, et là elle est, ils ont créé un dôme souterrain, et le reste de l'humanité survit sous terre. Alors c'est rigolo parce qu'à l'intérieur de la ville, on voit un faux ciel, on voit de la réalité augmentée de partout pour faire croire qu'on est encore en plein air, mais en réalité ça reste souterrain. Et donc, vous allez incarner une jeune femme du nom de Chloé, qui était le garde du corps d'une autre fille, une fille qui était handicapée en fauteuil roulant et aveugle, qui s'appelait Coco. Et cette copine Coco, en fait, vous, Chloé, en fait, vous n'êtes pas une humaine. À cette époque-là, tout le monde a été un petit peu amélioré et robotisé et modifié. Et donc, ce Coco vous a appris le sentiment humain, comment ça fonctionnait, tout ça. Et du coup, vous êtes très attaché à elle jusqu'au jour où, bien sûr, elle se fait dégommer par un de ces extraterrestres qui s'appelle les météoras. Elle se fait avaler par un météoras parce qu'elle a voulu regagner la surface. Donc, globalement, à partir de là, vous avez une haine profonde envers ces météoras et vous voulez les dégommer. Et c'est là que commencera l'histoire, où c'est qu'il va y avoir toute une enquête et une histoire à découvrir. Donc, niveau scénario, c'est pas mal, c'est solide, c'est sympa, il y a pas de souci. C'est bien écrit. C'est là où il faut faire très attention, parce que c'est le style de jeu. Pour quelqu'un qui n'est pas averti, qui va prendre ça pour un jeu, il va dire « c'est quoi cette merde ?» Ouais. Parce que n'attendez pas de gameplay, vous allez, même avec les PS Move, vous allez passer votre temps à appuyer sur croix pour faire passer les dialogues, parce qu'il y a énormément de dialogues. Donc si vous aimez pas lire, et si vous aimez, parce que c'est en anglais, japonais, sous-titré français, donc vous allez passer l'histoire à fond la caisse en attendant de l'action. Je vous arrête tout de suite, vous en aurez pas de l'action. Donc si l'histoire vous plaît, que vous allez prendre du plaisir. Accroché, ouais. Notamment qu'en plus, on a beau être en VR 360, c'est pas super bien animé. Par exemple, quand on est dans la ville, il n'y a pas un chat dans la ville. On a bien souvent l'impression d'être au milieu d'une photo à 360 degrés. Et ouais, même les personnages sont pas très vifs. Ils bougent, mais c'est pas très. C'est beaucoup des pauses. Et puis on va rester sur la même pose pendant 20 secondes, quoi. Et il y a juste la bouche qui va bouger. Ouais, alors d'accord. Qu'ils auraient pu avoir plus de choses comme ça. Plus de mouvements, plus d'interactions. Interaction, il n'y a rien, mis à part, vous allez ramasser sur une table 2-3 fraises ou 2-3 trucs, et puis c'est tout, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment une expérience qui a son public, mais vraiment manga. Ceux qui adorent les mangas vont adorer. Parce pour les otaku, quoi. Et malgré tout, c'est quand même chouette. Parce qu'on se retrouve à l'intérieur d'un manga, c'est bien foutu, c'est joli. Et puis c'est long, j'ai l'impression, enfin, sur ton test, je vois 15 heures. Alors disons que celui qui ne va pas aimer, il va boucler le truc en 2 heures, parce qu'il va dire « j'en peux plus ». Et c'est après, au niveau du scénario, par contre, c'est un système qui fonctionne un petit peu comme Detroit Become Human, où on va pouvoir, on va avoir plusieurs fins possibles avec plusieurs embranchements possibles. Donc c'est sûr que si on fait n'importe quoi et qu'on n'écoute rien, on va avoir terminé le jeu en 2 heures, on va se faire tuer et c'est terminé. Et tout le jeu va dépendre de revenir en permanence sur des points où justement on a pris la mauvaise décision, comment un livre où on était le héros, pour changer l'embranchement et développer une nouvelle histoire. Donc, dans ce cas-là, là, c'est plus 2 heures, c'est bien 15 heures de jeu complet. Donc, d'accord, c'est plutôt malin, quoi. Voilà, donc c'est plutôt sympa. C'est pour ça que, niveau note, il y en a qui l'ont encensé, il y en a qui lui ont mis des 9 sur 10. Donc ça, c'était impossible, parce qu'on ne pouvait pas noter un jeu comme ça au même niveau qu'un Astrobot ou quelque chose comme ça. Il y en a qui vont certainement lui dire « mais c'est quoi ce truc ? On va lui mettre un 2 ». Donc c'est un truc, il faut être curieux, il faut prendre le temps de regarder le test, de regarder le trailer, de regarder tout ça, et de voir si ça pourrait éventuellement, parce que on parlait de Colette tout à l'heure, c'est une expérience différente, c'est pas forcément un jeu, mais c'est sympa aussi, donc à voir. D'accord. Ouais, ça me fait penser un peu, enfin, de loin, hein, parce que je l'ai pas fait celui-là, à Space and Wolf que j'avais testé justement à l'époque. Je pense que c'est dans le même esprit. Toi, tu lui as mis là Aldeus, tu lui as mis Aldeus. Tu lui as mis 6 quand même, ce qui est donc sur 10, ce qui est quand même plutôt généreux. Moi, Space and Wolf, bah, en même temps, c'était une expérience de 20 minutes chiante au possible. Je lui avais mis 2, quoi, parce que voilà, je me suis mis à la place de. Ouais. Si ça avait été une licence que je surkiffe en manga, est-ce que ça m'aurait plu plus que ça, puisque ça m'a plu sur Spice and Wolf, que je connais, ben, voilà, vite fait de nom, mais bon, je me suis jamais vraiment intéressé. Bah, je pense que ça m'aurait ennuyé pareil. C'est très spécial. Le problème de Aldeus, c'est que les dialogues sont longs. Donc, si au début tu te dis ce qu'il raconte là, je m'en fous un peu, et puis tu commences à accélérer, tu vas t'apercevoir que tu fais qu'appuyer sur les boutons en fait, il se passe rien et blablabla et blablabla et blablabla et puis et après si tu fais un deuxième passage, quand tu vas écouter ce qu'ils disent en fait, il faut faire attention à ce qu'ils disent parce que ça va te donner des indices qui vont te permettre de faire les bons choix plus tard et tout. Donc, il faut vraiment avoir du temps, être décontracté et de prendre son temps et de bien écouter, de bien regarder. Et après tu as une phase donc pour se défendre de ces méchants extraterrestres géants, ils ont créé des robots géants. Alors, c'est très japonais, ça. On va dire que c'est du Pacific Rim, en fait. Ils vont sortir leurs robots géants, et vous allez prendre la commande de ces robots géants avec vos PS Move, et vous allez pouvoir contrôler vos robots géants. Alors là aussi, c'est une autre déception, c'est qu'il aurait pu avoir dans ces phases-là du vrai gameplay. Et malheureusement, bah, c'est scripté à mort. Tu appuies sur X pour lancer tes trucs et tu n'as rien à éviter, tu n'as rien à faire, en fait, quasiment. À part bouger les bras, c'est tout ce que tu vas faire. Et puis aussi, ils auraient pu jouer sur le rapport d'échelle, parce que vu que tu pilotes des Golgoths gigantesques, tu aurais pu justement avoir cette sensation d'être vraiment un vrai géant. Et là, tu es plutôt au milieu d'une pièce avec une vitre. Et tu vois par les yeux du robot, mais t'as pas l'impression d'être ce robot géant. Donc c'est là où. Et après je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui balance un 4 ou est-ce que au niveau de la note ? Parce que ça c'est sûr que si tout le monde donne son avis, à mon avis ça va plafonner entre les gens qui vont adorer et les gens qui vont détester. Tu vas avoir tout le spectre. Hein. C'est ça, c'est quasiment innotable ce genre de truc. Donc en gros moi je lui ai mis 6 parce qu'il y a 15 heures. Parce que je sais que les fans de manga vont apprécier. Je sais que ceux qui ont déjà vu le dessin animé vont apprécier aussi. C'est un truc de fan, donc ça ne plaira pas à tout le monde. Hein. Donc j'ai dit, pourquoi le casser? Alors que c'est vrai que moi, si demain... c'est un petit peu comme Vader Immortal. Hein. Enfin non, Vader Immortal, il y a plus de gameplay. Mais je veux dire, on te sort un truc, si tu es fan de Star Wars, tu vas manger du Star Wars et même si c'est pas si bien que ça, tu seras content de l'avoir fait. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un 6. 8 ou 9, j'ai dit faut pas déconner quand même, parce que là c'est complètement abusé, mais oui, 5-6, comme ça reste dans la moyenne, et puis chacun se fera son idée dessus, quoi. Il y a une démo de ce truc là ou pas? Je crois pas, non. C'est dommage. Ça, c'est dommage, non. Parce que typiquement, justement, c'est le genre de jeu que tu as besoin de tester pour voir si cette passivité te gêne pas trop, parce que le problème, c'est que quand t'as pas beaucoup d'animation, ou t'as juste les bouches qui bougent sur des animations qui durent, qui sont des 20 secondes, des pauses de 20 secondes. Hein, ça bouge, mais c'est pas violent quand ça même. Hein. Putain, mais ce que je veux dire, c'est qu'en VR, je trouve ça plus violent que, enfin, plus lent en tout cas, et plus ennuyeux qu'en plat. J'ai l'impression. J'ai l'impression que les flottements dans une mise en scène en VR, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus chiant qu'en plat. Bah, le studio qui développe ça, c'est Mighty Rest. Et donc ils auraient pu. On en avait déjà parlé, mais il y a toute une orthographe de la narration VR qui est encore à créer. Donc c'est bien parce que c'est un premier essai. Alors, ils n'en sont pas à leurs premiers essais, ils ont déjà sorti plusieurs expériences dans ce genre, mais c'est vrai qu'il y a encore tellement de choses à faire. Quand on est en VR, même s'il y a un dialogue, t'as envie qu'il se passe d'autres choses à côté, tout en parlant, que tu puisses te déplacer librement, prendre des objets sur une table. C'est important tout ça, et justement tu as l'impression de moins perdre ton temps que rester figé, parce que là tu ne peux pas bouger en plus, donc tu restes figé devant le mec qui te parle, et tu n'as qu'à appuyer sur le bouton croix pour lui dire, il a fini sa phrase, je veux avoir la suivante. Donc en plus, tu peux même pas t'endormir, parce que tu es obligé toujours d'appuyer sur ce bouton. Donc, bah, typiquement, London Heist, justement, London Studio avec London Heist, c'est ce qu'ils avaient compris, c'est-à-dire que tu avais beaucoup de phases de dialogue, sauf que tu pouvais interagir, voilà. Tu pouvais fumer un cigare, tu pouvais balancer le paquet de clopes voilà. À la gueule du perso, et puis voilà quoi. Donc, il arrivera, hein, il arrivera le manga VR, narratif en VR qui méritera un 9 sur 10. Mais là, techniquement, pour l'instant, on n'y est pas du tout. Quoi. On n'y est pas. Ok. Bon. Voilà. Donc, c'était Aldeus Beyond Chronos. À vous de voir. Hein, si, en tout cas, si vous êtes fan du manga, bah, finalement, vous êtes le meilleur public pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Et puis, sinon, passez votre chemin. Quoi. Donc, voilà. Très bien, et ben maintenant je vais parler un petit peu vite fait de Wraith de Oblivion Afterlife, le jeu qui est sorti du coup, j'avais noté les dates, et il est sorti le 22 avril 2021 sur Oculus, donc c'est un jeu qui est développé par Fast Travel Game, donc on remercie pour la clé. Excellent studio. Excellent studio, voilà, qui a fait, c'est quoi, c'était Apex Construct. Apex, un super jeu aussi. Ils ont fait aussi les petits animaux sympathiques, Stolen Pest. Ouais, The Curious Tales of Stolen Pets. Voilà, ouais. Voilà, c'est vraiment des jeux qu'on vous conseille à chaque fois, parce qu'ils sont mignons, soit avec un gameplay vraiment sympa. Franchement, Apex Construct, qui est sorti quasiment au début du PSVR, qui était très bien. Il a super bien vieilli, parce que franchement, c'est toujours un plaisir d'y jouer, une précision au niveau du gameplay qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, sorti le 22 avril pour Afterlife. Je vais appeler Afterlife, hein, ça sera plus simple. En tout cas, moins compliqué que Wraith of The Oblivion. Et donc il sort le 25 mai sur Steam, il coûte 29,99€. Et donc c'est un jeu d'exploration, enquête, aventure, dans le monde de justement Wraith of the Oblivion, qui est un vieux jeu de rôle papier, en fait, qui fait partie du World of Darkness, de la franchise World of Darkness, donc avec vampire, loup-garou, etc. Que j'affectionne particulièrement, et donc ça donne quoi? Ça donne un jeu déjà au niveau scénaristique et au niveau du lore de ce jeu de rôle extrêmement fidèle, et ça fait plaisir. Et les développeurs, d'ailleurs, ils s'en cachent pas, c'est des gros fans justement du jeu de rôle papier, et donc du coup voilà, ils ont pas fait n'importe quoi, c'est pas ils ont essayé de développer leurs propres idées sur la base du scénario du jeu de rôle. Non, ils ont vraiment été très très fidèles. Donc on incarne un photographe du coup qui est mort, donc qui est dans un monde de ténèbres, qui va devoir enquêter en fait sur les lieux là où il est mort, une espèce de manoir d'un friquet en fait un peu excentrique. Voilà, je vais pas trop dévoiler le scénario, parce que l'intérêt surtout, donc du coup, c'est vraiment de dévoiler, d'en apprendre au fur et à mesure. Il y a une séance de spiritisme qui se passe pas bien, on va essayer de comprendre pourquoi, il y a plusieurs protagonistes, on va retrouver un petit peu des échos du passé au fur et à mesure de la progression, et voilà, après il y a des twists, il y a plusieurs persos, il y a une enquête, il y a des révélations, plein de révélations, c'est plutôt bien foutu à ce niveau là, franchement c'est plaisant, et c'est vraiment pour moi le meilleur côté du jeu, c'est que c'est... Je me suis pas ennuyé, j'ai une petite accroche, tu vois, je me suis intéressé à l'histoire, et donc du coup j'avais forcément envie d'évoluer dans ce jeu-là. Ça, c'est vraiment pour moi le bon côté du jeu, et en plus voilà, c'est l'univers de World of Darkness qui est vraiment intéressant et qui est assez prenant, je trouve. Il y a toujours un truc un petit peu bizarre, une ambiance un peu bizarre, il y a des personnages un peu bizarres, c'est sans concession et j'aime bien. Donc ça, j'ai plutôt bien apprécié. Le truc que j'ai moins bien aimé, on en a commencé à en parler tout à l'heure, c'est les graphismes, parce que moi j'y joue sur PC, donc sur l'Oculus Store normal. Rift S. Sur le Rift S, et c'est exactement, c'est typiquement des graphismes de Quest 1. C'est cubique, c'est vide. Tu vois les screenshots qu'il y a justement sur la page du développeur, ça ressemble pas à ça. Hein. Ça ressemble pas à ça. C'est à peu près la même chose, sauf que t'enlèves les effets de lumière, t'enlèves les effets d'ombre, t'enlèves les petits effets de particules, t'enlèves tout ce qui peut paraître fouillé en fait dans les images, et tu l'enlèves en fait. C'est comme si en fait les déménageurs bretons étaient passés dans l'espèce de manoir qu'on visite, et puis ils avaient tout piqué quoi. Il y a quelques petits éléments de décor, mais quand tu passes franchement de Hitman 3 à ça, ouais. ça fait vide, ça fait super vide. Donc c'est un petit peu un choc au début quand on commence le jeu, cet effet de vide. C'est propre, mais techniquement c'est pas ultra poussé quoi. Malgré ça, ça reste un plaisir justement de parcourir ce manoir, de visiter les pièces au fur et à mesure pour découvrir un petit peu ce qui se passe. Et ça fonctionne au niveau de la progression un petit peu comme je vais oser la comparaison, un petit peu comme un Zelda, mais tu sais, un Zelda à l'ancienne, c'est-à-dire que tu récupères un objet, ça va te permettre d'ouvrir d'autres pièces. Tu vas récupérer des clés, ça va te permettre d'ouvrir d'autres pièces. Tu vas récupérer un pouvoir, ça va te permettre de déplacer des caisses. Tu vas récupérer la lampe torche, enfin le flash de l'appareil photo, ça va te permettre de repousser les ennemis, parce que oui, donc du coup, il y a des ennemis, il y a des espèces d'âmes égarées qui sont en gros, tu es mort. J'ai pas su si tu es mort ou si tu es dans un univers parallèle, j'en sais rien. Si, t'es mort en fait, t'es dans le monde des morts et tu dois enquêter justement. Tu es censé faire peur parce que tu es un fantôme, mais en fait t'as des fantômes qui sont encore pires que toi et qui te font encore plus peur, c'est ça? C'est ça, c'est ça exactement. Après t'es pas censé faire peur dans le jeu, en tout cas il n'y a pas de gameplay qui va là-dessus, mais en tout cas dès que tu vois un ennemi, s'il te voit, il te chope, t'es foutu quoi. D'accord. T'es vraiment foutu, donc du coup il va y avoir des phases d'infiltration sur certains endroits, donc c'est vraiment très scripté, hein. Ça intervient en tout cas au début, dans la première moitié du jeu, à des endroits très précis, dans des phases très précises. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans ces phases-là, justement, les déplacements des ennemis sont vraiment aléatoires, c'est-à-dire que tu peux pas anticiper d'une partie à l'autre. Quand tu te fais bouffer, après, tu peux pas dire ah bah il va passer cette porte là, ensuite il va aller à droite. Ah d'accord, ok. Non, ça va changer à chaque fois. C'est-à-dire que un des premiers ennemis, et justement j'ai trouvé un petit peu dur et j'ai recommencé plusieurs fois, l'ennemi, si tu veux, il commence à avancer comme ça et puis d'un coup il se retourne juste pour gueuler un coup. Alors si t'es pas planqué à ce moment-là, bah tu te fais éclater et du coup ça surprend. T'as une tension justement permanente dans ces phases-là qui est plutôt pas mal. En tout cas, au départ, ça fonctionne bien dans des parties du manoir qui sont vraiment prévues pour ça. Au fur et à mesure de l'aventure, là, je suis quasiment à la fin. À mon avis, il doit me rester une demi-heure de jeu à peu près. Tu te rends compte que le jeu est encore un petit peu cassé. C'est-à-dire que quand t'as plusieurs ennemis comme ça, donc t'as plusieurs ennemis, t'en as, je crois, 4 ou 5, ou il y en a peut-être un petit peu après. T'en as des fois plusieurs, en fait, qui peuvent te poursuivre, en tout cas déambuler dans le manoir. En même temps, là, tu te rends compte que le jeu a un peu cassé parce que des fois ça bug et des fois, justement, avec j'ai découvert ça justement sur une partie hier. En prenant une porte, tu fais apparaître un monstre. Tu le vois loin dans un couloir, par exemple. Ouais. Hop, tu prends pas le couloir, tu recules. Tu prends un tout petit chemin détourné et tu sais qu'il a passé une porte et que tu vas arriver dans la même pièce. Tu ouvres la porte, tu le vois plus. Il a disparu. Ouais. Il est plus là. Il y a quelques petites manières comme ça de casser un petit peu le jeu, ce qui m'a quand même pas mal aidé pour certaines phases qui sont quand même bien hardcore. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça rien qui ne peut pas être patché, donc ça je m'en fais pas trop. Mais globalement, voilà, c'est un jeu quand même qui est dans un univers assez riche, qui est plutôt bien amené. Moi j'aime le studio, moi déjà ils m'ont jamais déçu pour l'instant, donc ouais, c'est, par c'est contre des c'est vrai que vous m'inquiétez avec les graphismes de Quest sur PC. J'espère qu'ils vont prévoir une sortie PC plus solide quoi. Ouais, sur Steam franchement j'y crois pas. Ouais. Bon, et après je te dis, je peste contre ces graphismes qui sont pas moches mais qui sont voilà un peu trop épurés à mon goût. Parce que franchement, ça m'empêche pas d'avoir apprécié le jeu, d'avoir aimé le poursuivre et de découvrir l'histoire au fur et à mesure. Il y a des bonnes idées en plus, par exemple, pour prendre un objet, tu vois, pour prendre une bouteille de Niol, pour la balancer dans un coin et faire une diversion. Ouais. En fait, ils ont utilisé le système d'Alpha et Felix. C'est-à-dire que tu tends ta main pour récupérer pour cibler l'objet, après tu appuies sur grip et tu donnes un petit coup en arrière pour que l'objet vienne vers toi. C'est une bonne idée, toi. Ouais. C'est une bonne idée d'Alix qu'ils ont repris, donc ça fonctionne bien, plutôt bien, en tout cas dans le jeu. Voilà, il y a aussi les animations, en fait, justement, t'as des spectres, on va dire, enfin plutôt des échos du passé que tu croises dans les couloirs. Au niveau des animations, c'est ralenti, les personnages sont pas ultra bien modélisés, ouais. Les bouches, enfin, il n'y a pas de synchro labial, les mouvements sont lents, les animations sont pas très détaillées. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que le jeu reste quand même techniquement voilà un peu à la ramasse par rapport à ce qui se peut se faire en ce moment quoi. Voilà. Niveau de l'ambiance sonore, par contre, c'est vraiment très très bon. Mais vraiment très très très très bon. C'est vraiment pour moi le haut du panier parce que t'as des bruits tout le temps, t'as des musiques qui sont très très belles dedans, qui sont là quand il faut. Une bonne ambiance globale. Ah ouais, une très bonne ambiance globale. Voilà, chaque partie du manoir vraiment a son thème. Quand tu croises un ennemi, t'entends les cris, t'arrives à te repérer justement où est-ce qu'il est, rien qu'au son. Ça participe vraiment à l'ambiance et ça fonctionne très très bien. Des petits coups de flip de temps en temps quand même que je me suis pris sur ce jeu-là, mine de rien. Parce que finalement, t'es tellement sous tension que quand tu te fais surprendre, voilà, ça te crispe un petit peu. Donc voilà, ça reste pour moi une bonne pioche. Si vous aimez justement le lore de World of Darkness, foncez, hein, parce que franchement, c'est extrêmement fidèle. J'ai bien aimé. Donc voilà, on va faire une petite vidéo avec Steph là-dessus, parce que lui, il l'a testé sur Quest, et moi, je l'ai testé du coup sur PC. Il est prévu en tout cas sur PSVR. Normalement, il arrive bientôt aussi. Fast Travel Game, des bons jeux. Après, je le trouve peut-être un petit peu cher quand même, 30 balles. Je l'aurais bien vu à 20 balles, tu vois, ce jeu-là. Mais ça reste une bonne expérience quand même. Bon, à voir comment ça va évoluer. Après, moi, c'est vrai que si... Enfin, je l'avais déjà dit sur certains jeux. Moi, tu me balances sur un truc qui est mal fini. Moi, je sors de l'immersion tout de suite, quoi. Parce que je vais voir la texture pourrie, je vais la repérer tout de suite, quoi. Tu vas voir sur la vidéo, hein, t'as des effets de rush extérieur, justement, dans le monde parallèle. Tu te rapproches du truc, c'est un polygone, quoi. C'est un triangle ou un rectangle avec juste une texture dégueulasse dessus. Donc on sent qu'il a été développé pour une petite machine. Exactement. Parce que le Quest, on parle plus d'un teraflop, là, on parle de 400 ou 500 gigaflops. Donc tout est très cubique, on est sur la 360, quoi. Dans l'architecture, tout est très cubique, c'est tout en angle droit, c'est tout. C'est tout carré en fait. C'est pas Robinson, quoi. C'est pas la jungle de Robinson. Ah, c'est pas du tout Robinson. Après, c'est un style, hein, mais. Ouais, non, mais après moi, tu vois, le style. Alors là-dessus, je veux bien qu'il y ait du style. Il y en a plein qui font du style avec très peu de polygones. Je pense à Eric Chahi, qui finalement, il est pas très, très. Il n'y a pas énormément de complexité de polygones dans Paper Beast, mais malgré ça, il est magnifique. La grosse différence avec Paper Beast, c'est que Paper Beast, il a un univers à lui, tandis que Afterlife, lui, se veut réaliste. Quand tu passes, je te dis, d'un jeu réaliste comme Hitman 3 et qu'après tu passes sur Afterlife, ça fait vraiment mal parce que du coup, il y a quelques petits éléments de décor qui peuvent être crédibles, tu vois, des petites saloperies qui sont sur le sol, 2-3 bouquins sur des armoires, des trucs comme ça, mais finalement, ça reste quand même extrêmement épuré. Je te dis, t'as l'impression que t'as les déménageurs qui ont tout viré, quoi, qui ont tout vidé. Et le problème, c'est que, en réalité virtuelle, ce genre de détails, ça enlève un petit peu de vie et de crédibilité à l'environnement qui t'entoure. Et surtout quand on a vu les rendus du manoir de Déraciné, qui était sacrément bien foutu. Après des jeux qui ont très peu de polygones, je pense à Massmaker qui vient de sortir, qui est très très beau, et pourtant il est super simple au niveau des polygones. Par contre, au niveau des couleurs et des effets, ça le fait carrément, quoi. De l'ambiance, elle est là, et c'est là où je suis pressé d'y mettre la main dessus sur PSVR, parce que c'est sûr que si il y a cette impression de un petit peu l'impression que j'avais eu sur comment il s'appelait, Free Diver Triton, où t'étais dans l'eau et tu disais mais c'est quoi cette flotte, et puis des moments tu te baladais, tu te disais mais ils ont fait un meuble avec un polygone, quoi, avec un cube, et ils ont plaqué une texture dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, un autre détail aussi dans Afterlife qui me fait dire que voilà, ils ont juste copié-collé le même jeu de Quest sur PC. Quand tu arrives dans une pièce ou dans un couloir qui est trop grand, tu ne vois pas le bout du couloir. T'as un film noir au bout d'un moment, comme un effet de brouillard en fait qui est dans le fond. Et ça aussi, on le voit dans les captures que j'ai fait. Tu te dis putain, mais c'est bon, j'ai une vraie carte graphique, hein, un vrai pros, de la mémoire, tu peux y aller, hein, tu peux tout montrer. Mais non, sauf que le jeu ne le permet pas en fait, et pourtant je l'ai mis à fond. C'est propre, c'est net, c'est net, la netteté c'est pas un problème. Mais voilà, un petit brouillard de guerre dont je me serais bien passé. Un peu plus d'éléments dans les décors pour rendre le truc un peu plus crédible, ça aurait été pas mal. Après voilà, faut pas non plus, je sais que les graphismes ça fait pas la qualité d'un jeu et le plaisir que t'as à le parcourir, donc alors j'ai continué, alors oui, j'ai kiffé. Non, disons que sur du plat, pendant, c'est vrai qu'un bon gameplay arrive à faire oublier des graphismes. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait de boxing. Si ça se trouve, si tu te marres avec, même si c'est très laid, au final tu vas dire putain, là, je me suis bien marré quoi. Quand tu regardes bien Paper Beast, finalement graphiquement ça va pas chercher loin, hein, c'est pas compliqué, mais ça fonctionne. Ou on parlait aussi de tout à l'heure de Pistol Rip. Pistol Whip qui est aussi pas très beau ou super hot et qui sont excellents. Donc là-dessus, par contre, après, c'est vrai que quand tu commences à taper sur quelque chose qui doit te plonger dans un monde un peu réaliste pour fonctionner, c'est peut-être, comme tu disais, c'est peut-être là où ça te saute plus aux yeux, justement. Ça saute un peu aux yeux, ouais. Puis on a mangé du blood, mince, comment il s'appelait, le clown là avec le rail. Ah, j'ai bouffé son nom. Le clown avec le rail. Le premier qui est sorti, le rail shooter, excellent, oui. Until Dawn. Until Dawn, Rush of Blood. Voilà, bien foutu. On a eu des. Et là, c'est vrai que ces temps-ci, on a l'impression de se retrouver très souvent sur des trucs qui sont pas faits pour. Même sur PS4, tu te dis putain, mais quand même, quoi. On a vu mieux, quoi. Et là, oui, ça risque de piquer un peu les yeux, quoi. Donc après, moi, je suis d'accord avec le fait que si un gameplay est bon, on peut oublier. Mais quand même, on est en VR et puis surtout, putain, on a acheté une PS4 Pro, merde, à 4,4 teraflops et les mecs ils nous balancent des trucs de PS3. Donc ça fait rager, quoi. Voire de PS2. Bah oui. Mais bon, après voilà, c'est pour ça que je suis pas aussi catégorique au niveau des graphismes. C'est important d'avoir des grosses productions, mais ça doit pas empêcher justement ce genre de titre un peu plus léger d'exister, de s'y intéresser. Et puis voilà, quand même, ça reste un jeu trop cher, ça, voilà, clairement. Mais un bon petit jeu en tout cas. Si t'aimes l'exploration, si t'aimes te perdre dans des endroits, faire des enquêtes, trouver des indices, etc. Franchement, c'est une bonne pioche. Moi, j'ai bien kiffé. Ouais. Je le continuerai avec grand plaisir. J'attendrai une version améliorée, je pense. une version 2.0. Voilà, une jolie version. Ok, ça marche. Donc voilà, c'est tout pour cette émission, je pense, parce qu'on a bientôt à 2 heures d'enregistrement. Je pense que c'est déjà pas mal, surtout à deux. Vous pouvez nous retrouver sur Discord, surtout n'oubliez pas, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout chaud. Il y a plein de gens sympas et c'est super cool. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour discuter un petit peu, donner vos avis, etc. Avis que vous pouvez également donner, et discussions que vous pouvez également entretenir sur le site VR4Player. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne VRAC secondaire, que vous pouvez trouver aussi en lien sur le site. Sur le site et sur la chaîne YouTube aussi. En bas de page, il y a le lien vers VRAC. Voilà. À regarder les news en vrac de Maître Lolo, qui sont toujours des mines d'informations, en tout cas si vous avez vraiment la réalité virtuelle. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Alors après, moi j'y suis plus, mais c'est pas grave, ça vous empêche pas d'y aller, au contraire. Donc voilà, Facebook et Twitter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, toutes les applications podcast qui font le café, normalement vous pouvez retrouver autour d'un VR. En tout cas, si vous nous écoutez, vous êtes au courant. Mettez des pouces en l'air, partagez, communiquez, essayez de nous faire connaître, ça nous aide à continuer et puis à être motivé. Et puis, autre chose à rajouter, Laurent? Non. La semaine prochaine, j'espère qu'on aura des nouvelles croustillantes. On se rapproche d'une période où ça devrait être plus intéressant là. On va avoir, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir un gros désert certainement début mai. Et moi, je compte beaucoup sur le mois de juin en fait, pour avoir et des jeux et des petites news sympathiques. Ça va spéculer à mort, c'est cool. Et du coup, ça va nous permettre de débattre et ça va être super sympa. On vous fait de gros bisous, on vous dit à dans 2 semaines et à bientôt. Ciao, ciao. J'ai coupé court. Ouais, mais t'as bien fait. J'ai la gorge sèche. J'ai la gorge sèche. J'arrive même plus à parler. Et moi, j'ai fermé la porte. Je suis en sueur depuis tout à l'heure. Et pourtant, je suis à l'eau. Hein. Donc, c'est bon. Alors, attends, je vais l'arrêter. Tac. Ah, ça va mieux. Puis à deux, tu parles plus. Hein. T'as pas de temps de repos, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que tout à l'heure, je disais, putain, je me rappelle plus de la date, je vais essayer de le lire, mais je pouvais pas le lire parce que j'étais en train de parler.